Christophe Defrayne, d'avoir accepté l'invitation. Pour débattre aujourd'hui de la question du libre-échange, une question qui, dans le monde progressiste, n'est pas toujours simple, hein, cette question libre-échange, protectionnisme, quelle sauce doit-on être mangé ou que faut-il choisir, quel degré où mettre le curseur. C'est un peu sur ces questions-là dont on va débattre aujourd'hui. Je vais proposer à chacun de nos invités d'intervenir une vingtaine de minutes. Et puis ensuite, vous aurez l'occasion de poser des questions et on reviendra vers eux par la suite. Alors, puisque je pense que j'ai à peu près tout dit, en tout cas, moi, je ne suis pas là pour parler. Et puisque le Parisien est arrivé en premier, il va parler en premier. Voilà, je vous laisse la D'accord, parole. je veux bien. Je veux bien. Bon, bah écoutez, merci beaucoup d'être venu pour nous entendre. Alors, le problème du protectionnisme, du libre-échange et globalement du commerce international, c'est qu'il y a toute une série d'idées fausses, de choses qui sont pas vraiment, enfin, sont contre-intuitives en plus, disons sur ce point. Disons-le tout de suite, de toutes les manières, même avec du protectionnisme, on continue d'échanger. Ça, c'est une confusion classique que l'on fait entre le protectionnisme et l'autarcie. Non, le protectionnisme n'est pas l'autarcie. Ça veut dire simplement qu'on se donne les moyens de pouvoir modifier les rapports d'échange. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'achète pas des choses à l'étranger ou qu'on n'exporte pas des choses. Et on voit bien là qu'il y a une confusion. Alors, dans un certain nombre de cas, elle est involontaire. Dans d'autres cas, elle est beaucoup plus volontaire. Parce que le modèle de l'autarcie est un modèle très particulier. C'est en fait le modèle des économies de guerre. Et encore, la Grande-Bretagne n'a pas été dans une situation d'autarcie de 1939 à 1945, même si elle a cherché à produire toute une série de choses qu'elle ne pouvait plus ou qu'elle ne souhaitait plus acheter à l'étranger. Donc, c'est un petit peu ça, hein, le cadre. Et ça nous ramène à 1945, quand on est confronté à la question de savoir quel sera le monde qui va sortir justement de cette guerre, quelles seront les règles d'échange, avec toute une série de gens qui disent, ah oui, mais d'une certaine manière, ce qui avait provoqué la crise de 1929, c'était justement la montée du protectionnisme. Et les gens qui disaient, oui, d'accord, mais il y a un problème de développement qui se posera dans toute une série de pays, et on voit bien là que il y a des problèmes avec des économies naissantes et que les économies naissantes ont besoin de protection. D'ailleurs, c'est un fait bien connu. Il n'y a pas une économie au monde, sauf la Grande-Bretagne, mais pour des raisons très spécifiques, parce qu'elle a été la première à le développer, qui se soit développée sans de fortes protections. Que ce soit la France, avec le système de Napoléon Ier, que ce soit l'Allemagne, avec l'application des idées de Friedrich List, que ce soit la Russie, que ce soit le Japon, que ce soit les États-Unis, pays qui a été très protectionniste de la fin de la guerre de sécession jusqu'au début du XXe siècle. Donc, tous les pays, en fait, se sont développés dans le cadre protectionniste. Et on voit bien pourquoi. C'est que le protectionnisme a pour but, en réalité, de rendre les productions nationales compétitives jusqu'au moment où elles atteignent des niveaux de production qui leur permettent d'être compétitifs sans barrière. Mais il y a d'autres raisons qui jouent. C'est le fait que, très souvent, dans des structures de libre-échange, on n'a pas seulement les phénomènes de concurrence. La concurrence, c'est un très beau mécanisme, mais un mécanisme sur lequel on dit beaucoup de bêtises. Et on voit que très souvent, ben, la concurrence réelle, ce n'est pas la concurrence d'Emmanuel. Et ça peut poser effectivement toute une série. Donc, bref, on a un débat autour de cette question-là. Et normalement, les pays se mettent d'accord pour signer une charte qui préserve à la fois, qui permet aux échanges de se développer internationalement, mais qui préserve la souveraineté des États et qui fixe en particulier une règle extrêmement importante, c'est que c'est le droit des États qui est toujours prioritaire. C'est la fameuse charte de La Havane. Vous savez que cette charte de La Havane ne sera pas ratifiée par les États-Unis. Et donc, on va s'orienter vers un système au départ provisoire. L'accord général sur le commerce et les tarifs douaniers, ce qu'on appelle le GATT. Et après, de négociation en négociation, ce GATT sera étendu et va aboutir justement à l'OMC qui a été créé à la suite de l'Uruguay Round. Un point intéressant, c'est le nombre de pays qui ont été impliqués dans ces accords. Alors, vous savez qu'il y a actuellement plus de 170 pays aux Nations Unies. En fait, dans les premières négociations du GATT, il y a une vingtaine de pays qui sont concernés. Et la raison est très simple. On est encore dans une situation où il y a les empires coloniaux. Donc, tous les pays qui sont nés de la décolonisation, ils ne sont pas là. Ensuite, les pays du bloc soviétique, évidemment, ne font pas partie. Et les anciens pays vaincus ne font pas partie non plus. Car les règles du commerce qui vont s'appliquer à l'Allemagne et au Japon, auquel l'Italie est un petit peu particulier, mais qui vont s'appliquer à l'Allemagne et au Japon, sont des règles qui sont définies dans des accords bilatéraux et qui ne passent pas par le GATT. Donc il faut bien comprendre qu'au départ, les accords du GATT sont des accords sur un nombre limité de pays. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que les négociations du GATT se passent relativement bien. Bon, petite tension. Mais ce qui est frappant, c'est que les différentes négociations de la fin des années 50 et du début des années 60, elles ont une durée moyenne de moins d'un an. Avant le cycle de l'Uruguay, il y a encore une grande négociation. Elle va durer 6 ans. Donc, vous voyez le problème. Et là, quand on regarde le nombre de pays, à moins qu'il y ait déjà fortement augmenté. Ce qui vous donne une indication. Plus il y a de pays, plus il est difficile d'arriver à un accord. Et on en a eu la démonstration avec ce qu'on appelle le cycle de Doha, donc de l'OMC. Le cycle de Doha est un échec. Il n'a pas abouti, et pour une raison très simple, il y a des positions qui sont tout à fait irréconciliables de part et d'autre. Donc, les États membres de l'OMC se posent la question de savoir est-ce qu'il ne faut pas plutôt privilégier des accords régionaux, constituer des blocs commerciaux. Qui dit des blocs commerciaux, en fait, c'est une forme de reconstitution du protectionnisme. Hein, Ou alors, est-ce qu'il faut avoir des accords bilatéraux qui sont plus ou moins étendus? Donc, c'est un point intéressant, c'est qu'on est confronté aujourd'hui à l'échec du modèle issu du GATT. Le modèle GATT-OMC qui s'est développé de manière relativement harmonieuse dans les années 50 et au début des années 60, à diverger à partir du moment où vous avez eu un nombre de partenaires qui a commencé à augmenter fortement, et ce modèle n'est plus à même de gérer, d'une certaine manière, le commerce international. C'est d'autant plus vrai qu'aujourd'hui, il y a des pays qui sont membres de l'OMC et qui envisagent d'en sortir. Car la Russie. La Russie a un argument très simple, elle dit voilà, nous sommes dans l'OMC, il y a des sanctions. Ces sanctions sont contradictoires avec la charte de l'OMC, mais l'OMC, comme c'est une machine qui fonctionne au consensus, ne veut pas condamner les pays qui ont pris des sanctions contre nous, donc on ne voit pas ce qu'on fait dans l'OMC. Et ça, si vous voulez, pas des économistes qui disent ça, c'est le ministre du Commerce extérieur qui le dit. Quand vous avez des personnes humanitaires à ce niveau-là qui commencent à dire, vous dites, oula, ça commence à sentir assez mauvais. Donc, on a ce problème. c'est loin d'être le seul, parce que derrière, il y a un autre problème, c'est le problème fondamentalement de la logique légale qui, d'une certaine manière, a permis à ces accords d'avancer. Alors, les économistes, et avec eux, une partie des gens qui sont chargés de la mise en forme juridique de ces accords de libre-échange, ont tendance à présenter le libre-échange comme un bien collectif. Et voilà, tout le monde a intérêt au libre-échange. C'est extrêmement discutable, ou plus précisément, cela n'est vrai que si l'on accepte les bases théoriques du raisonnement néoclassique. Bon, j'ai des collègues qui, depuis 30 ans, s'évertuent à écrire et à dire que ces bases sont invalidées. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les petits livres de Bernard Guérien, qui sont probablement ce qui se fait de mieux là-dessus. Vous avez l'ensemble de la critique qui est faite aux bases du raisonnement néoclassique à partir de la notion d'information asymétrique et d'information, je dirais, non appropriée de la même manière par la totalité des agents. Donc ça c'est l'école, Greenwald, Stiglitz, etc. Vous avez toute la réflexion sur la question des préférences individuelles. On a montré depuis maintenant une vingtaine d'années que les préférences individuelles, qui sont la véritable base de la théorie néoclassique, sont très différentes de ce qu'en dit justement cette théorie néoclassique. Bref, ce qui pose un problème, c'est que nous avons une théorie dont les bases sont pour le moins discutables, mais qui sert en fait de soubassement à un discours politique qui présente le libre-échange comme un bien collectif. Ben, grosso modo, c'est comme si vous aviez des gens qui disaient il faut absolument faire une réglementation qui interdise des immeubles de plus de 5 étages, et nous avons la preuve que cela sera, d'une certaine manière, améliorera le bien-être global, parce que la Terre est plate. Bon, la Terre est plate. En fait, la théorie néoclassique a à peu près le même rapport à la réalité que la Terre plate. C'est à peu de choses près le même niveau. Donc, on a cette question. Néanmoins, ce que l'on a vu depuis une vingtaine d'années, c'est la mise en place d'un cadre juridique international de plus en plus contraignant, mais qui n'a jamais été fondé en droit. Et la raison est très simple. C'est que vous avez une logique qui vise à fonder ces mesures du point de vue de leur fonctionnalité. C'est un discours que l'on a, en particulier quand on parle avec les gens de la Commission européenne. Ils vous disent, oui, d'accord, cette mesure, elle est peut-être discutable en droit, mais vous voyez bien qu'elle fonctionne. Non, je ne vois pas où. Vous pouvez penser qu'elle fonctionne si vous adoptez un cadre théorique d'analyse qui est le cadre de la théorie néoclassique. Si vous êtes sur un autre cadre d'analyse, ça devient extrêmement discutable. Et la réponse, c'est oui, mais comme la majorité des économistes est dans le cadre d'analyse néoclassique, donc elle fonctionne. Non. Là, on est sur un problème scientifique et les problèmes scientifiques ne se décide pas à la majorité. Une chose est vraie ou n'est pas vraie en science, si vous voulez. Quand Pasteur défend la thèse que les microbes ne sont pas le produit de la génération spontanée, il était à peu de choses près le seul en France à le dire. Bon. Et puis, à travers une série de démonstration, il a montré de manière irréfutable que c'était le cas. Mais si on avait dû décider pour ou contre la génération spontanée au vote, c'était la génération spontanée qui l'emportait. Vous voyez le problème. Donc, il y a quand même là des choses qui sont extrêmement gênantes. Ce qui n'empêche pas le développement de toute cette ingénierie à partir de la fonctionnalité, qui se développe de manière de plus en plus importante, et aujourd'hui, elle tend à faire référence à une notion de droit, qui est la notion de jus cogens. Bon. Alors, jus cogens, on connaît ça un petit peu sur la question des droits d'homme, et plus précisément, la question du droit de la guerre. Quand vous regardez la bibliographie juridique, il n'y a quasiment rien sur la question économique. Pourquoi ? Parce que les juristes ne sont pas idiots, ont considéré que la question du droit économique était une question hautement politique et que donc on ne pouvait pas faire référence à des principes généraux comme on le fait justement sur la question du droit. L'importance de cela, c'est que l'ensemble du cadre juridique qui est hautement contestable, eh bien vous le retrouvez dans toute une série d'accords, des accords qui sont nés de l'échec du cycle de Doha à l'OMC. Je vous ai dit qu'il y avait justement cette tendance à arriver à des blocs régionaux. C'est très exactement les accords auxquels on est confronté aujourd'hui. Que ce soit feu le TAFTA, le CETA, l'accord avec le Japon. À chaque fois, vous avez la même logique. Un groupe de pays qui négocie avec un autre pays ou un autre groupe de pays et qui, dans le cadre de cette négociation, introduit, alors ce n'est pas le groupe de pays, ce sont des experts, qui introduit toute une série de clauses juridiques, alors que ce soit sur la question de l'environnement, que ce soit sur la question de la protection des investissements, etc., qui vont contraindre de manière absolument irrémédiable les législations nationales. Et quand vous remontez un petit peu la bobine, vous dites, bon d'accord, mais pourquoi vous faites ça? Quelles sont les raisons juridiques? Là, la seule réponse qu'il y a, c'est, ah ben oui, mais ce type de mesure, elle est fonctionnelle. Alors, vous avez beau rappeler à ces gens que la fonctionnalité n'est pas un argument d'un point de vue juridique, il y a une espèce de refus d'envisager justement le fait que, ben non, là on n'est plus en réalité dans le droit et on ne peut pas utiliser l'argument de la fonctionnalité, on est dans le domaine de la politique. Troisième point, ce discours de la fonctionnalité, il est basé sur quoi ? Ah, il est basé sur un récit, hein, si vous voulez, ce qu'on appelle, quand on veut faire un petit peu snob, ah oui, moi je connais mes sciences sociales, on parle de storytelling, bon, c'est un récit. Et ce récit a été construit dans les années 90 et au début des années 2000, autour de cette idée, le libre-échange a apporté une croissance de l'économie absolument fantastique. Et toute une série d'auteurs qui développent ça. Le problème, c'est que quand vous mettez le nez un petit peu sérieusement dans les données, vous vous rendez compte que, tout d'abord, la croissance est extrêmement discutable. Elle est discutable parce que vous avez tout simplement le fait que des États qui étaient, alors non pas dans un système de protectionnisme, mais dans un système de quasi-autarcie, et qui se sont ouverts, en cas des ex-pays soviétiques, eh bien là, il y a eu la révélation d'une partie de leur commerce. Deuxièmement, on sait très bien que les matières premières dans le Comecon étaient à des prix fixés, et ces prix étaient très bas. À partir du moment où on bascule dans le système des prix mondiaux, les prix de ces matières premières augmentent de manière considérable, ce qui tend à faire augmenter le volume du commerce international. Et ça fait augmenter aussi mécaniquement le PIB des pays qui produisent ça. Et c'est simplement un artefact statistique. Ça ne correspond pas à une réalité. Et donc, si on creuse un petit peu cette question, on s'aperçoit d'une chose. Ce n'est pas le commerce qui a tiré la croissance des pays, c'est la croissance de ces pays qui a tiré le commerce. Donc, on est dans une relation inverse. Et à partir de ce moment-là, il faut se poser la question, quels sont les cadres de politique économique qui permettent justement de favoriser la croissance et le développement des pays. Mais il faut aussi se poser la question de savoir, est-ce qu'on mesure bien la croissance et le développement ? Là, j'ai enseigné pendant plus de 20 ans à l'école des études, dans une formation doctorale où on faisait de l'économie du développement. Même si c'est vrai que ma spécialité, c'est plutôt, au départ, c'était plutôt l'économie russe et l'économie soviétique. Bien. Pas mal discuté avec les collègues. Et on était arrivé au paradoxe suivant. Vous prenez un pays d'Afrique, l'Afrique occidentale, qui produit un bien exportable, le café par exemple, le cacao, et qui a besoin d'une production vivrière pour faire vivre sa population. Bon. Arrivent les experts de la Banque mondiale qui disent « Mais vous avez intérêt à basculer votre structure de production vers cette production commerciale, le café ou le cacao, parce que quand on regarde le niveau des prix relatifs entre le café ou le cacao et le riz ou le manioc, les prix relatifs sont tout à fait à l'avantage du bien commercial. Donc, bien sûr que vous ne produirez pas assez pour nourrir votre population, mais vous gagnerez suffisamment d'argent pour pouvoir acheter ce bien. » Que voilà une idée qu'elle est intéressante, comme disait Coluche. On l'applique. Et qu'est-ce qui se passe ? On augmente la production de café, ou de cacao, ou d'huile d'arachide, bon, etc. Et donc, on fait baisser le prix. Ce qui fait qu'au total, vous vous retrouvez avec une économie qui produit essentiellement des biens qui sont commercialisés, donc son PIB augmente. Mais si vous calculez la richesse de la population en termes de consommation alimentaire, cette richesse a diminué. Donc on se dit, la notion de PIB, ça va pour des pays développés, mais ça pose un gros problème quand on l'applique aux pays en voie de développement. Bien. Vous avez aussi le problème des économies provoquées par la pollution. Exemple, le Bangladesh. Bon. Le Bangladesh est devenu l'un des centres mondiaux où on désosse les vieux navires. Fait dans des conditions qui sont les conditions du Bangladesh, c'est-à-dire, grosso modo, à la main au chalumeau, bref, on prend absolument aucune précaution. Sauf que, depuis une dizaine d'années, on s'aperçoit que les terres qui sont à côté des plages, où on fait ce genre de choses, et puis en remontant, parce que ça s'étend, deviennent contaminées. On ne peut plus produire du riz. On ne peut plus cultiver la terre dans ces régions-là. Donc, on voit que le Bangladesh, qui était dans une situation à peu près d'équilibre pour sa production vivrière, est obligé maintenant d'importer des quantités croissantes parce qu'il ne peut plus produire sur des terres qui sont contaminées. Le même problème se pose avec les téléphones portables. Ah oui, les téléphones portables. Le grand joujou du pré-adulte et du post-adulte et de l'adulte depuis une vingtaine d'années. Oui, mais quand le téléphone portable ne marche plus, qu'est-ce qu'on en fait ? Ben, on l'envoie en Afrique se faire démonter. C'est terriblement polluant. Donc là, on voit que ce genre de réalité n'est pas pris en compte dans le PIB. Alors, si on cumule les deux, on a quand même des raisons importantes de se dire que, un, le commerce international a très peu d'impact sur la croissance. Deux, la croissance tire le commerce plus que le commerce ne tire la croissance. Trois, le type de croissance dans un cadre de libre-échange n'est pas une croissance soutenable. Et donc, si on veut que cette croissance se traduise par un réel développement, il va falloir mettre en place de nouveaux modèles de croissance. Et pour mettre ces nouveaux modèles de croissance, des formes de protection sont absolument nécessaires. Alors, je termine en vous racontant une petite histoire qui est assez amusante. C'est sur les aspects positifs du libre-échange. Ce sont mes collègues du groupement de recherche, le GDAE, de l'université de Tufts, qui ont raconté cette histoire de manière extrêmement, extrêmement référencée. Ils disent, au début des négociations du cycle de Doha, on annonce des effets positifs des accords à venir considérables. Et puis les économistes posent, c'est quoi cette histoire? Et ils commencent à regarder un petit peu les bases de données, comment sont construits les modèles, etc. Bon, je vous la fais courte. On se rend compte, in fine, que le libre-échange n'apporte pas de croissance ou n'apporte de la croissance qu'aux pays qui ne respectent pas le libre-échange. Exemple, la Chine. Alors vous allez dire, oui, d'accord, ça c'est des problèmes qui sont liés quand même... aux pays en voie de développement, etc. Mais on a un problème ici. C'est l'euro. Allez, j'enfourche un petit peu mon cheval de bataille habituel, mais simplement pour vous raconter une petite anecdote. En 1997, un économiste, Andrew Carroz, qui était parfaitement honnête, mais son modèle qui ne marchait pas, a commencé à expliquer que l'introduction de l'euro entraînerait un triplement du commerce au sein des pays de la zone euro. Bon. Alors, c'est évidemment basé sur ce type de statistiques que tous les hommes politiques ont dit « Ah, c'est génial, l'euro va nous apporter, de par son existence même, 1% de croissance en plus tous les ans. Bon. » Le même Andrew Rose a repris ses calculs 5 ans après et il est passé à 30%. On est passé de 300% à 30%, hein. Un rapport de 1 à 10. Et puis il y a des gens qui ont repris ses calculs et qui ont montré que ce n'était pas 30%, c'était 3%. Autrement dit, c'est infime. Et donc, ça pose quand même une très grande question. Parce que si on avait eu ce débat statistique avant de faire l'euro, peut-être qu'on y aurait regardé à deux fois. Et je vous terminerai sur la conférence que vient de donner, il a parlé hier, Kenneth Rogoff à Davos. Alors, Rogoff est quelqu'un que j'aime pas du tout parce que je me suis engueulé personnellement avec lui autour de la crise russe de 1998. Il était à l'époque le chief economist du FMI. Bon, on a eu des mots assez violents. Bien, mais ce n'est pas un imbécile. Je pense que c'est quelqu'un qui était complètement dans la cadre idéologique. Et Kenneth Rogoff a fait une conférence où il a expliqué que l'euro était la plus grande catastrophe économique de ces 50 dernières années. Un économiste du FMI, pas franchement un gauchiste. On peut difficilement faire, plus mainstream que ce qu'il raconte. Pourtant, il dit ça. Donc, ça devrait faire un petit peu réfléchir sur la manière dont on construit les discours économiques et leur rapport à la réalité. Merci beaucoup. effectivement, le libre-échangisme, ça a toujours été la doctrine économique d'une puissance économique dominante. D'ailleurs, même l'Angleterre a été protectionniste. Hein, sous les Tudors, sous les Stuarts, sous Oliver Cromwell, ils ont passé le Navigation Act, qui empêchait le commerce des Pays-Bas pour stimuler justement l'industrie textile anglaise. Elle s'est protégée de la concurrence des textiles indiens qui étaient plus avantageux que les textiles britanniques. Et Parthasarathy a fait tout un ouvrage très convaincant pour montrer que sans ce protectionnisme anglais, le textile anglais n'aurait pas pu survivre face à la concurrence de l'Inde. Et donc, ensuite, on a pu voir comment les États-Unis sont devenus protectionnistes avec Hamilton, le rapport sur la manufacture en 1795, et puis ensuite l'application du tarif d'Abraham Lincoln en 1861, qui est d'ailleurs la cause de la guerre civile américaine, la cause principale en tout cas. On a pu voir comment des États, chaque fois qu'ils ont voulu construire une base industrielle, alors qu'ils étaient en rattrapage face à des pays plus avancés, ont tous été protectionnistes. En fait, ils ont développer les arguments, l'analyse de Marx ou de Friedrich List, c'est-à-dire qu'il fallait protéger l'industrie dans l'enfance pour faire face à la concurrence étrangère. Et c'est vrai de toutes les puissances industrielles modernes. Le Japon, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la France, l'Italie, la Russie, hein, déjà à l'époque tsariste, avec 8 Donc c'est vraiment quelque chose de totalement standard et connu. Et d'ailleurs, jusque récemment, la puissance dominante, les États-Unis, était libre-échangiste jusqu'à ce qu'à un moment donné, il y ait un pays qui commence à prendre une part croissante dans l'économie mondiale, qui est la Chine. Et maintenant, elle commence à remettre en cause ce libre-échangisme parce qu'elle est plutôt sur la défensive. C'est une théorie qui a toujours existé, qui a eu comme fondateur David Ricardo, qui était d'ailleurs la plupart des facs d'économie. On n'enseigne pas qui est David Ricardo. Hein. David Ricardo est principalement un investment banker, c'est un stockbroker, c'est quelqu'un qui est devenu rapidement l'équivalent de milliardaire aujourd'hui. Il faisait partie du 0,01% de la population la plus riche britannique au moment où il fait ce principe d'économie politique. Il achète même un bourg pourri pour être représentant au Parlement et défendre ses positions au Parlement. Et accessoirement, il écrit un peu des ouvrages d'économie pour convaincre en fait des théories qui finalement vont aider en fait ses amis investisseurs dans l'industrie britannique, puisqu'il dit globalement tout le reste de l'Europe doit se spécialiser dans l'agriculture et notre avantage comparatif, là où on est les moins mauvais, excusez-nous, c'est l'industrie. Donc nous on va faire l'industrie, vous êtes vachement meilleurs dans l'agriculture, donc s'il vous plaît faites l'agriculture. La deuxième erreur de Ricardo, enfin je pense pas qu'il était imbécile, je pense que c'est un peu de la mauvaise foi quand même, c'est qu'il raisonne comme si on était en concurrence parfaite. Ben, le problème, c'est que vous spécialisez dans l'huile d'olive, il y a des milliers de producteurs. Mais vous vous spécialisez dans les logiciels Microsoft, il y a un producteur. Donc effectivement, vous n'allez pas avoir le même rapport de force. Et puis évidemment, quand vous spécialisez dans des secteurs qui ne sont pas high-tech, qui ne vont pas stimuler la recherche et le développement, vous n'allez pas avoir la même trajectoire de connaissances scientifiques que les pays qui se spécialisent, par exemple, dans la chimie, l'électronique, l'informatique. Donc effectivement, sur les dynamiques technologiques de long terme, une spécialisation dans des activités intensives en travail et en terre est généralement assez catastrophique. Et en plus, il n'y a pas d'économie d'échelle, ce qui veut dire que ce n'est pas grave, il n'y a pas de problème de rattrapage. Dès que vous dites qu'il y a des économies d'échelle, les premiers pays industrialisés qui commencent à avoir de l'expérience et des tailles vont produire de manière plus efficace que les autres qui doivent les rattraper. Et si on a des économies d'échelle, la seule manière de les rattraper, comme d'ailleurs Krugman l'a très bien montré, c'est de faire un protectionnisme de l'industrie dans l'enfance pendant la période d'apprentissage. Alors, évidemment, si on fait de l'analyse d'histoire économique et pas effectivement simplement de l'analyse théorique, le protectionnisme dans l'industrie de l'enfance, c'est ce qui a permis à des pays de rattraper les pays les plus avancés. C'est ce qui a permis à l'Allemagne, au Japon. Cependant, le capitalisme, dans la manière dont il fonctionne, connaît des crises récurrentes qui sont liées à des théories de cycles. Alors on peut être marxiste ou schumpeterien, mais enfin, ces cycles existent. Quand on a eu la construction ferroviaire entre 1830 et 1860, on a eu une très forte période de croissance. Après, lorsqu'on a eu le ralentissement suite, je dirais, à la diffusion de ces innovations et de ces nouvelles technologies, on a eu rapidement un détournement des investissements de la sphère productive vers la sphère financière, et on a à ce moment-là eu des spéculations financières plus importantes, qui ont mené à une grave crise financière en 1873, la Gründerkrise, qui a d'abord touché en premier l'Autriche, puis la bourse de Berlin, puis la bourse de New York. Et suite à cette Gründerkrise, ce qui ne va pas des fois sans rappeler 2008 hein, ou 1929, c'est qu'on a eu un ralentissement de l'économie à cause du crédit crunch, que les banques étaient en difficulté, elles ont elles-mêmes mis en difficulté les entreprises, comme en 2008, qu'on a eu à ce moment-là un ralentissement de la production et qu'on a eu par la suite une montée des politiques protectionnistes partout. L'Allemagne a commencé en 1879 en faisant un tarif protectionniste très dur sous Bismarck, qui jusqu'à présent avait été libre-échangiste. Ensuite, on a eu la loi Méline en France hein, en 1892, on a eu le tarif McKinley aux États-Unis à peu près à la même période, l'Italie a fait un tarif protectionniste, la Russie a fait un tarif protectionniste à cette époque. Seule la Grande-Bretagne, qui était plus avancée, a continué à dire on promeut le libre-échange, mais même en Angleterre, il y avait des campagnes nationalistes de Buy British, don't buy German. Donc c'était quand même déjà une autre vision. Et qu'est-ce qu'on constate? Malgré cette montée du protectionnisme, on a eu une augmentation du commerce international. Alors comment expliquer ça? Ben, en partie parce qu'il y a eu la colonisation. C'est-à-dire que dans ce contexte de protectionnisme, les États européens, les États-Unis et le Japon, pour avoir des débouchés, ont accéléré la colonisation. C'est à ce moment-là, vous avez la conférence de Berlin qui partage l'Afrique, c'est en 1885. La théorie de la Weltpolitik et du futur qui est sur les mers de l'Allemagne, c'est en 1895. La théorie du capitaine Mahan, qui devient très populaire dans l'armée américaine et l'armée japonaise et l'armée allemande, de faire une grande marine pour être une grande puissance, c'est aussi dans les années 1890 que ça se développe. Je reprendrai ici un ouvrage très connu que je cite souvent, qui est Le Tonkin et la mère patrie, qui a été écrit par Jules Ferry, dans lequel Jules Ferry exprime que la motivation pour aller envahir l'Indochine pour la France, c'est de faire naître des nouvelles couches de consommateurs, puisque, je cite, l'Europe est une maison de commerce dont les marchés sont saturés. Donc, la colonisation est vue comme une manière d'avoir des nouveaux débouchés, des nouvelles matières premières éventuellement. Le problème, c'est qu'évidemment, cette logique de protectionnisme et de course à la colonisation va amener à une logique de course aux armements. On va avoir une course aux armements militaires entre la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la France, le Japon. Et cette course aux armements va finalement créer un climat de tension internationale qui va être très fort et qui va amener jusqu'à la Première Guerre mondiale. Et il y a clairement, enfin, je veux dire, si on analyse les racines économiques de la Première Guerre mondiale, la montée en puissance des dépenses militaires à l'époque, les tensions commerciales qui se font entre la Grande-Bretagne et l'Allemagne, c'est assez clair de voir qu'il y a un lien entre cette crise de 1873, ce montée du protectionnisme global, parce que là, il ne s'agit pas spécialement seulement de protéger des pays qui sont en train de s'industrialiser, mais des fois des pays déjà avancés, et que cette course aux colonies pour avoir des débouchés va mener à la Première Guerre mondiale. C'est une analyse tout à fait classique. Je citerai évidemment pourquoi est-ce qu'elle n'est pas plus enseignée. Ben, si on lit Charles Mayer, un des plus grands professeurs d'histoire de Harvard, il y avait quand même un petit problème. C'est que cette théorie, c'est celle d'Hobson, et puis elle a été reprise par un Vladimir Ilitch Ulianov qui s'appelait Lénine. Donc pendant des années, on ne l'a pas enseignée à cause de la guerre froide en Europe de l'Ouest et aux États-Unis parce qu'elle était marxiste-léniniste. C'est-à-dire que la Première Guerre mondiale a une cause. Enfin, n'empêche que même Mayer, qui est quand même plutôt un historien de la faculté probablement la plus à droite et la plus efficace pour défendre le capitalisme qu'est Harvard, est quand même quelqu'un qui constate qu'il est impossible d'analyser l'éruption de la Première Guerre mondiale sans comprendre ce contexte du commerce international, du protectionnisme, du colonialisme et de la course aux armements. Si on regarde 1929, là aussi, pour les mêmes raisons, on a eu une vague d'innovation, notamment une vague aussi de consommation des premiers biens de consommation durable aux États-Unis, la Ford T, les premiers électroménagers qui sont arrivés aux États-Unis, hein, les frigidaires, les postes radio. Ça a amené une très grande croissance aux États-Unis. Et à la fin, les banques ont commencé à organiser des mécanismes de prêts risqués pour que les gens achètent des voitures. Prêts risqués pour que les gens achètent des voitures. Ce qui, le mot subprime peut paraître familier, ben, il y a quand même beaucoup de points communs. Et donc, à un moment donné, cette bulle elle-même a explosé en 1929, a créé à ce moment-là une absence de réaction des gouvernements qui ont voulu faire une politique justement très classique de rééquilibrage. Donc elles n'ont rien prêté aux banques, elles n'ont rien prêté aux personnes, elles n'ont pas fait de dépenses publiques pour balancer le choc. Et donc l'économie américaine s'est enfoncée dans la récession. Très rapidement, il y a eu un tarif protectionniste qui a été adopté, le tarif Smoot-Hawley. En plus, avec la chute des prix, c'était de plus en plus dur pour les producteurs d'aller exporter aux États-Unis parce que l'effet de déflation assez fort aux États-Unis rendait les produits étrangers inabordables aux Américains qui voyaient leurs salaires et les prix généraux aux États-Unis baisser. Le tarif Smoot-Hawley, en 1932, par représailles, la Grande-Bretagne a choisi le tarif de préférence impériale. C'est-à-dire qu'elle a répondu par un tarif protectionniste ultra dur que l'Angleterre n'avait pas l'habitude de faire jusqu'à présent, mais qui a rendu quasiment impossible l'exportation de produits manufacturés dans tout l'Empire britannique. Un pays comme le Japon s'est retrouvé tout d'un coup avec la plupart des marchés qui se fermaient. Son marché américain était fermé, la plupart des marchés asiatiques, comme c'était des colonies européennes ou anglaises, étaient fermés. Et donc la réaction du gouvernement japonais, ça va être d'envahir la Chine pour avoir des marchés. C'est le Manchukuo qui fait en 31 l'invasion de la Mandchourie et puis l'invasion de la Chine. Du point de vue de l'Allemagne, c'est assez simple. Hein, l'Allemagne, très rapidement, va adopter des politiques protectionnistes et elle va décider que pour avoir des marchés, la conquête militaire reste l'option la plus facile. Et donc elle va faire une politique très drastique de contrôle des mouvements de capitaux, de relance des dépenses publiques, mais pour faire un appareil militaire qui va permettre d'aller simplement piller les économies voisines. Que les dépenses de l'État allemand, elles vont être remboursées à travers la confiscation des usines Skoda en Tchécoslovaquie, de la banque de Bohême et de l'or de la banque centrale tchécoslovaque, donné très gentiment d'ailleurs par le directeur de la banque d'Angleterre, Lorman Montagu, qui a transféré de Londres l'argent tchécoslovaque sur le compte des Allemands au nom du fait qu'il fallait lutter contre l'Union soviétique et que finalement Hitler n'était quand même pas si mal pour lutter contre les soviétiques. Alors, on voit quand même, ce protectionnisme général, il n'est pas sans danger. Et dans l'histoire du capitalisme, qui est un système qui connaît des crises récurrentes, c'est assez général que ça se traduise par des montées protectionnistes. Et comme en plus, effectivement, le libre-échange est une doctrine qui est défendue de manière non scientifique par une série de gens qui effectivement, comme une religion, mais ce n'est pas par hasard. S'il est défendu par là, c'est parce qu'il correspond aux intérêts de firmes des pays dominants. C'est comme ça. Je veux dire, Ricardo n'a pas fait sa théorie de manière neutre. Et si les Américains abandonnent le protectionnisme de Lincoln pour être en faveur du libre-échange dans le GATT et l'OMC, c'est parce que les multinationales américaines voient la manière de pénétrer les marchés du reste du monde et sachent qu'elles sont les plus compétitives parce qu'elles ont les meilleures économies d'échelle et qu'elles ont les multinationales les plus avancées avec la technologie la plus avancée. Alors, ce qui explique aujourd'hui la plus grande difficulté, je suis assez d'accord avec Jacques Sapir là-dessus, d'abord, effectivement, il y a plus de pays. On a vu, ici, ça c'est les accords bilatéraux, les accords régionaux, c'est-à-dire que vous les voyez monter, notifiés à l'OMC. Vous voyez qu'il y a quand même une accélération assez forte autour des années 2000 par rapport à ce qu'on avait connu. Et voilà la situation en 2003. En 2006, oui, enfin, les accords, c'est en 2003, c'est un document de 2005. Vous voyez tous les accords bilatéraux. C'est pour vous dire comme c'est devenu extrêmement compliqué parce qu'il y a 400 accords bilatéraux ou régionaux qui sont notifiés. Et c'est pour autant vous dire que négocier un accord multilatéral des 150 pays de l'OMC quand vous avez 400 pays qui négocient parallèlement, enfin qu'il y a 400 accords qui se négocient en parallèle, l'Union européenne, pendant des années, a négocié en parallèle des accords avec le Canada, les États-Unis, le Japon, la Corée, le Brésil, le Mercosur, l'Afrique du Sud, voilà. Donc, et tout en négociant le processus de Doha dans le cadre de l'OMC. Pour vous dire quand même que c'est extrêmement compliqué. Maintenant, ce qui a, pour moi, bloqué de plus en plus le processus du GATT et de l'OMC, c'est d'abord le rapport de force. Quand le GATT est lancé en 1947, le PIB américain, c'est 2/3 de l'ensemble du GATT. Alors vous avez les 2/3 du marché, et vous dites, les gars, on va négocier, mais moi je représente les 2/3 du marché. C'est quand même assez facile comme position de négociation. Puis progressivement, l'Europe s'est renforcé. L'Allemagne a été admise dans le GATT, le Japon en 1955. Donc à partir de là, il y a d'autres joueurs. Et puis, il y a la décolonisation, donc il y a plus de membres, effectivement. Et il va y avoir des pays en voie de développement qui vont s'industrialiser par des politiques de substitution aux importations, hein, l'industrialisation de substitution aux importations qui se fait avec le Brésil, avec la Turquie, avec l'Inde, avec la Chine, dans des cadres non capitalistes, hein, comme la Chine ou la Russie ou l'Europe de l'Est, et qui vont devenir des vrais pays industrialisés, même s'ils n'ont pas la technologie la plus avancée. Et ces pays-là, certains vont finalement abandonner leur tentative d'industrialisation au moment de la crise de la dette dans les années 80-90, où en fait le FMI va leur imposer d'abandonner ces programmes d'industrialisation, avec des conséquences souvent désastreuses. C'est-à-dire, si on regarde la Pologne ou la Hongrie, ils ont quasiment perdu toute leur industrie nationale. Ce ne sont que les multinationales étrangères qui ont racheté. Aujourd'hui, M. Orban peut être un nationaliste, mais toute son industrie est étrangère. Voilà. Il n'y a pas une seule grande firme hongroise. Il n'y a pas une firme de l'Europe de l'Est. Hormis une firme polonaise dans le secteur de l'énergie, il n'y a aucune firme des 12 pays de l'Europe de l'Est qui sont dans le top 500 des grandes firmes mondiales. Toutes les grandes firmes de l'Europe de l'Est, ce sont des firmes d'Europe occidentale, du Japon, de la Corée du Sud ou des États-Unis. Ça veut dire que ces pays ont perdu toute souveraineté économique. Et c'est la même chose pour d'autres pays qui se sont radicalement ouverts au libre-échange suite à la crise de la dette, comme le Mexique ou l'Argentine. Les pays, en fait, qui ont gardé des grandes multinationales et qui se sont développés le plus, c'est ceux qui ont gardé les politiques industrielles de soutien d'État. C'est la Corée du Sud, c'est Taïwan, c'est la Chine, c'est l'Inde, c'est le Brésil, c'est la Turquie. Et ces pays ont gardé des interventions d'État. Mais pour eux, ils sont dans une stratégie listienne. On fait des champions nationaux, on ne peut pas être totalement libre-échangiste, il faut quand même qu'on ait des grandes firmes mondiales, puisqu'on voit que les pays les plus développés ont des grandes multinationales. Donc le but du Parti communiste chinois aujourd'hui, c'est de faire 80 grandes multinationales. Il le fait à travers la SASAC, à travers le Conseil d'État, et à travers le MOFCOM, qui sont des institutions qui font une politique industrielle pour favoriser la concentration des grands groupes chinois et permettre de faire émerger des grandes multinationales chinoises pour ne pas dépendre des grandes multinationales allemandes ou américaines. Premier producteur d'automobiles en Chine, aujourd'hui, c'est Volkswagen. Mais les firmes chinoises, comme Geely, rachètent Volvo en Europe pour essayer d'avoir la technologie de Volvo, pour essayer de rattraper Volkswagen. Alors que si vous regardez d'autres pays, comme la Yougoslavie ou l'ex-Yougoslavie ou la Roumanie, ben ils ont abandonné leur production automobile et c'est les firmes étrangères qui l'ont récupérée. Dacia, c'est Renault aujourd'hui. Donc la Chine ou d'autres pays de grande taille, notamment, on va dire, c'est essentiellement l'Inde et le Brésil, il y en a d'autres aussi de taille intermédiaire, comme l'Indonésie, qui essaye de jouer un peu à ça, un peu la Thaïlande, un peu la Turquie. Enfin, c'est surtout la Chine qui, pour la première fois, est capable d'avoir une centaine de firmes dans le top 500 mondial. Essentiellement des firmes d'État, essentiellement des firmes protégées par l'État. Et s'il n'y avait pas cette protection d'État, elles ne seraient pas là. Mais là, ça veut dire qu'évidemment, depuis les années 2000, il y a des grandes puissances industrielles qui ne sont pas des nations occidentales et qui veulent continuer à essayer de faire un processus de rattrapage pour leur firme. Ce processus de rattrapage, ils utilisent les mêmes méthodes que l'État américain ou les États comme la France ou l'Allemagne ont utilisées, c'est-à-dire, ils veulent du protectionnisme de l'industrie dans l'enfance, ils veulent des économies d'échelle, donc ils vont attribuer des marchés publics essentiellement à leur firme nationale, ils refusent un droit de la concurrence parce qu'ils considèrent qu'il faut une position de monopole pour permettre aux firmes nationales de monter, et justement, le but principal demandé par les Occidentaux dans le cadre de l'OMC, c'est ça. Ce qu'on appelle les Singapore Issues, qui ont été amenés à la conférence de l'OMC en 1996, juste après la conclusion de l'Uruguay Round et la création de l'OMC, la première conférence de l'OMC, l'Europe et les États-Unis sont venus avec la position « on va faire les Singapore Issues ». C'est-à-dire qu'on va globalement demander à tous les pays de s'ouvrir aux investissements directs étrangers beaucoup plus, d'avoir un cadre qui protège beaucoup plus la propriété intellectuelle, de renoncer à utiliser les marchés publics de l'État pour développer les firmes nationales, il faut que les marchés publics soient ouverts à la concurrence internationale, et d'imposer des droits de la concurrence. Ce que les États-Unis n'ont jamais fait. La Grande-Bretagne n'a jamais fait, la France n'a jamais fait. Mais il faudrait que les pays du tiers-monde le fassent. Évidemment, Vous savez, au Parti communiste, ils ne sont pas plus stupides que les autres en Chine. Monsieur Modi ou le Parti du Congrès indien, ses opposants, ne sont pas plus stupides. Ils comprennent quand même là où veulent venir avec leurs gros sabots les Occidentaux. Et donc, quand ils ont venu à Seattle en 1999, à la première conférence pour essayer de relancer le round avant la conférence de Doha, l'Inde a dit « Ah ben c'est ça votre négociation, mais on ne s'assied pas à la table. » Puis l'Inde et le Brésil ont résisté. Et derrière eux, la Chine disait « Allez-y, allez-y ». Comme elle venait de rentrer, elle faisait profil bas, mais globalement, il y avait un certain accord. Et comme le prix des matières premières était élevé, et que pour des pays comme par exemple le Brésil, ils exportaient énormément vers la Chine de matières premières et que le prix montait, le Brésil ne s'est pas retrouvé avec des difficultés financières comme dans les années 80, comme au moment de l'Uruguay Round. Pendant l'Uruguay Round, la plupart des pays de l'Europe de l'Est, y compris des pays socialistes, c'est-à-dire, enfin, dits socialistes, c'est-à-dire la Yougoslavie, la Pologne, la Roumanie, la Hongrie, connaissaient une crise de la dette. Et le FMI venait les aider en imposant les mêmes règles. Toute l'Amérique latine était dans une crise de la dette. 50 pays d'Afrique étaient dans une crise de la dette. 10 pays de l'Asie étaient dans une crise de la dette. Parce que, globalement, elles avaient un emprunt extérieur qu'elles ne savaient pas rembourser. À la fin des années 90, suite aux crises répétées qu'ont connues, dans des crises financières répétées qu'ont connues les pays du tiers-monde, et dont d'ailleurs vous avez parlé dans plusieurs de vos livres, notamment il y a eu des réactions très fortes en Asie de l'Est et en Russie, surtout après la crise des GKO, hein, la fameuse crise financière qui a d'ailleurs mis on peut dire, la fin de la carrière de M. Yeltsin. Et à ce moment-là, il y a eu une volonté de plusieurs États, comme la Russie, le Brésil, comme la Corée du Sud, comme l'Indonésie et la Chine, de ne jamais se retrouver dans les mains du FMI et d'avoir toujours un surplus commercial pour ne pas se retrouver dans la même situation que certains pays asiatiques ou latino-américains dans les années 90. Et à partir de là, quelle a été la... À partir du moment où ces pays n'étaient pas dans une situation de dette grave, sous la coupe du FMI, et le FMI, ça veut dire essentiellement les gouvernements occidentaux, ils ont pu résister aux demandes des États-Unis et de l'Europe à l'OMC. Et c'est pour ça que le round de Doha n'a pas fonctionné. Et la part de l'Europe et des États-Unis dans l'économie mondiale n'a cessé de baisser entre-temps. Ces pays ont une... Et donc, le rapport de force... C'est complètement changé. C'est-à-dire que si vous regardez ici, moi je peux vous montrer, j'aurai pas le temps de vous montrer tous ces beaux graphiques, enfin, si on regarde ici par exemple, rien que depuis les années 90, donc la part de l'économie mondiale, vous voyez les États-Unis, vous voyez les BRICS. Ouais. Ben voilà, ça vous dit quand même comment le rapport de force a changé. C'est-à-dire que maintenant, les États-Unis, si on regarde Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, ils ont un PIB qui est plus important aujourd'hui que le PIB américain. La Chine à elle seule, qui fait le gros de la croissance, parce que vous voyez que l'Inde, c'est beaucoup moins fort, et même tous les Next 11, donc les... c'est essentiellement la Chine qui a changé la donne, mais ça veut dire que quelque part, regardez où était l'Union européenne pour négocier en 90 à la fin de l'Euro Round. Regardez où elle se trouve au moment du Doha Round. Effectivement, la Chine ou d'autres pays émergents sont en train de changer le rapport de force des négociations du commerce international. Et c'est pour ça que le Round de Doha, fondamentalement, ne fonctionne pas. Non seulement la plupart des pays en voie de développement ne sont plus convaincus de l'argument néolibéral, parce que les pays qui ont adopté le plus le libre-échange sont les pays qui ont souvent le moins bien réussi. Donc, en Amérique latine... L'Argentine n'est pas un grand succès. Pourtant, Menem a tout privatisé, a tout ouvert à des multinationales, et ça n'a quand même pas été une grande réussite. Le Brésil, qui l'a fait beaucoup moins, a fait une bien meilleure performance économique parce qu'il avait une politique industrielle et une politique stratégique plus avancée. Donc on est dans une situation, je dirais, qui explique pourquoi, pour le moment, il y a un blocage. Alors, ce blocage, il est quand même assez dangereux, parce que vous voyez que c'est la montée de la Chine qui est particulièrement visible, et c'est la Chine qui est essentiellement vue comme le compétiteur stratégique, hein, pour reprendre la phrase que l'administration de Trump reprend de nouveau. Le US Trade Representative a considéré la semaine passée que ça avait été une erreur de laisser rentrer la Chine dans l'OMC, tandis que Trump envisage même de sortir de l'OMC, hein, il l'a dit là-dessus, ou alors les Chinois sortent, enfin bon, c'est... Mais clairement, on sent... un affrontement assez fort entre les États-Unis et la Chine qui se fait, et aussi un rattrapage militaire assez important de la Chine. C'est-à-dire, si on regarde les dépenses militaires américaines avant la crise de 2008, 48% des dépenses militaires mondiales, c'est les États-Unis. La Chine, à ce moment-là, est au niveau de la Russie et elle est à peu près à 7-8%. Ça, c'est le numéro 2. Hein. Donc, numéro 1, dépenses militaires, 48%. Numéro 2, 7%. Maintenant, on a un rapport 36% pour les Américains et 12% pour les Chinois. Donc, on est passé d'un rapport de 1 à 7 à un rapport à 1 à 3. Et la Chine n'est certainement pas capable d'être encore une grande puissance mondiale, mais elle est capable maintenant d'être une vraie puissance régionale qui va bloquer l'expansion américaine en Asie. Et donc on va voir, et on voit des tensions très fortes, les Américains soutiennent le réarmement très massif du Japon, et le Japon a changé sa constitution pour pouvoir intervenir militairement à l'extérieur et avoir une vraie armée. Et en Asie, je peux vous dire que ce n'est pas du tout le même optimisme, même qu'en Europe. On peut dire en Europe, oh, ça ne va pas bien l'économie. En Asie, il y a maintenant des gens dans de nombreux gouvernements qui pensent que les guerres dures, importantes, entre la Chine, le Japon, les États-Unis ou d'autres, peuvent arriver dans les prochaines décennies. Je pense que c'est un scénario extrêmement crédible. C'est un scénario qui est analysé par plusieurs professeurs et experts militaires américains. Ils ne voient pas ça comme le scénario le plus possible, mais c'est un scénario qui est vraiment envisageable. Et comme on connaît le passé, effectivement, je vais terminer juste en montrant quand même quelque chose, parce que c'est très frappant quand vous placez ça dans le temps. En 2010, Obama décide de faire son pivot to Asia. Donc il décide qu'il va se retirer en partie du Moyen-Orient pour placer plus de troupes américaines en Asie. Et il va considérer que les Européens doivent prendre une plus grande partie de leur défense parce que l'objectif, quelque part, c'est de se repositionner en Asie. Pourquoi? Parce que globalement, l'Asie, ça va être le grand marché mondial. Hein. Je ne vais pas rentrer ici dans dans tous les détails ici des chiffres, mais enfin, si vous regardez les nouveaux consommateurs potentiels, ce qu'on appelle les middle class, enfin, c'est plutôt la Banque mondiale qui utilise ça. Donc, middle class, ça veut dire qu'ils sont juste au-dessus de la subsistance. Vous êtes capable de dépenser plus que 10 dollars par jour. C'est quand même pas beaucoup 10 dollars, mais vous êtes middle class. C'est-à-dire vous êtes capable d'acheter des biens de consommation durable. C'est en Asie, en 2030, qu'on attend 3 milliards de consommateurs. Je veux dire, c'est là où ça va se trouver. Donc il est normal qu'avec un balancier de l'économie mondiale qui est en faveur de la Chine, la stratégie géopolitique américaine s'oriente plus pour être présente commercialement et militairement en Asie. Elle se retire donc un petit peu relativement d'autres régions et elle propose en même temps cette tentative de redéploiement militaire vers l'Asie qu'elle n'arrivera pas tout à fait à faire pour des raisons financières, mais elle propose deux projets, le TPP, Trans-Pacific, et le TTIP, qui sont faits dans la foulée. Hein. On parle de State of the Union, donc c'est l'automne 2012. Le TPP proposé au Japon, c'est début 2013, janvier 2013. Donc, il propose deux grands projets de libre-échange. Chacun fait à peu près 40% du PIB mondial. Qui est dehors? La Chine et la Russie. C'est vraiment une tentative d'isoler et de contenir et de discipliner ces pays. Parce que l'idée principale du TTIP, ce n'est pas spécialement libéraliser le commerce entre l'Europe et les États-Unis. Il est très libéralisé. Je veux dire, 98% du commerce passe assez sans problème. Il n'y a même pas de problème à l'OMC. Ça, c'est pour 2% du commerce américain qui donne lieu de temps en temps entre Boeing et Airbus. Mais enfin, la plupart passent assez bien. Le but principalement, et c'est d'ailleurs ce que Carole De Gucht, le commissaire au commerce européen, a dit, il s'agit de créer des normes transatlantiques qu'on imposera à des pays comme la Chine et le Brésil. Donc, le but, c'est de définir des normes mondiales, mais déterminées par les puissances transatlantiques. Et il propose de faire la même chose avec les Japonais et quelques alliés asiatiques, en excluant la Chine. Qu'est-ce que va faire la Chine 3 mois plus tard? Elle va finir avec les nouvelles routes de la soie. One Belt, One Road. Vous proposez des accords commerciaux pour nous isoler. Nous, on veut garder du protectionnisme, donc on ne va pas proposer des grands accords commerciaux, mais on ne va pas faire des accords de libre-échange, on va faire de l'infrastructure. On va développer des routes commerciales, des plateformes d'exportation à travers toute la zone de l'Eurasie, hein, puisque c'est tous les pays qui en font partie. Vous voyez ici ceux qui sont dans One Road et dans One Belt. Et vous voyez ici le début des projets qui sont engagés. Donc des projets ferroviaires, des projets de plateformes aéroportuaires, de zones spéciales, des zones franches où s'installeront des firmes chinoises, pour intégrer mieux tout le continent eurasiatique. Et à ce moment-là, qui est isolé? Ben les États-Unis. et le Japon, qui se retrouve tout seul avec deux parties du Pacifique qui deviennent la périphérie de l'économie mondiale. Alors, il y a quand même une petite inquiétude, parce qu'effectivement, pour faire ça, ben, les Chinois vont développer des réseaux maritimes et ferroviaires très importants. D'ailleurs, on voit maintenant les firmes chinoises racheter des ports partout, y compris des parties dans le port du Pirée ou le port d'Anvers. Mais évidemment, pour ceux qui connaissent l'histoire, ça rappelle un peu ça, le Bagdad Ban, que l'Allemagne a essayé de faire pour contourner la politique d'encerclement britannique. Et le Bagdad Ban, c'est une des causes des déstabilisations de l'Empire ottoman et des Balkans qui a mené à la Première Guerre mondiale. Je terminerai sur cette note très optimiste. Voilà. Merci beaucoup. Normalement, l'Union européenne a établi des normes écologiques. Et puis elle établit toute une série d'exceptions parce que bah, un pays comme la Roumanie, comme la Bulgarie, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent tout simplement pas respecter ça. Donc, ça veut dire que... et même chose, par exemple, pour au niveau du critère social. Alors, il faut aussi toujours rappeler, ce n'est pas tellement la comparaison entre, par exemple, un salaire roumain et un salaire belge, français, allemand qui est importante. C'est la comparaison du salaire avec la productivité du travail, ce qu'on appelle le coût salarial unitaire. Ça, mais même avec cette histoire de coût salarial unitaire, on voit qu'aujourd'hui, il y a des salaires qui sont tellement faibles dans des pays de l'Union européenne, alors que la productivité a finalement relativement monté, que ça pose un vrai problème. Et ce problème, c'est en fait un problème de redistribution de gains de la productivité. On voit que, en fait, dans des pays de la périphérie de l'Union européenne, on n'a pas redistribué les gains de productivité. Donc, effectivement, moi, c'est quelque chose que j'ai proposé dans mon ouvrage « La démondialisation ». C'est l'établissement, par exemple, alors, on ne va pas appeler ça des droits de douane, même si c'est des droits de douane. Hein, bon, ouais. Donc, comme je savais qu'il valait mieux pas parler de droits de douane au sein de l'Union européenne, si on parlait des montants compensatoires monétaires, c'est quelque chose qui a existé pour l'agriculture. Mais là, on ne va pas les faire pour l'agriculture, on les fait pour l'industrie. Et on se base à la fois sur des données écologiques et des données sociales. Sauf que, dans mon idée, ces montants compensatoires monétaires, évidemment, ils égalisaient les coûts de la production dans ces pays de la périphérie par rapport aux pays du centre. Mais ils étaient redistribués aux pays de la périphérie pour leur permettre de se mettre au niveau progressivement d'un point de vue social et d'un point de vue écologique. Bon, voilà, ça c'était une idée. Et d'ailleurs, je dois vous dire, c'était pas moi qui avais eu au départ le départ de cette idée. C'était dans une discussion avec Bernard Cassen, il y a de ça une quinzaine d'années. Et il avait, lui, parlé d'un protectionnisme social. Et donc j'ai développé un petit peu cette idée, je l'ai assis sur la question des coûts salariaux unitaires, mais en fait c'est toujours l'idée de Bernard Cassel. Alors je voudrais rapidement dire trois choses. Un, je suis un petit peu gêné sur la manière dont vous avez raconté l'histoire, parce que quand on connaît les questions un petit peu stratégiques, alors bon c'est vrai je ne suis pas simplement économiste, j'ai travaillé pendant 20 ans pour le ministère de la Défense français, beaucoup intéressé aux questions stratégiques, on voit qu'il y a toute une série de choses qui clochent. Non pas que ça n'existe pas, mais il y a d'autres choses qui se sont développées. En particulier, de 1890 à 1914, il y a un vrai affrontement idéologique entre les pays slaves et les pays de langue allemande. Le pan-germanisme est face à cela... le panslavisme sont bien des questions tout à fait centrales. Et par ailleurs, on a des déséquilibres qui sont introduits par des innovations techniques qui sont extrêmement importantes. Par exemple, pourquoi est-ce que la Grande-Bretagne, avec sa longue tradition navale, est-elle inquiète de la construction d'une flotte allemande? Jusqu'en 1905, elle n'est pas inquiète. Seulement en 1905, il y a une véritable révolution technique, c'est l'invention du Dreadnought. Et le Dreadnought remet à zéro toutes les marines. Parce que... Alors le Dreadnought, c'est un nouveau modèle de cuirassé qui est à la fois plus rapide, mieux blindé, mieux armé que les cuirassés. Alors, il peut être de taille à peu près identique aux autres cuirassés, mais le problème, c'est que dans la construction des cuirassés jusqu'à cette époque-là, on accumulait des canons de différents calibres. Et le Dreadnought C'est une idée d'un grand amiral britannique, Fisher. Il dit, on va faire uniquement un navire avec des canons lourds. On oublie complètement les canons intermédiaires. On ne garde que quelques petits canons pour lutter contre les torpilleurs. Et on passe uniquement aux canons lourds. Ce qui veut dire que le Dreadnought, il avait 10 canons de 12 pouces, de 305 mm, alors que le Lord Nelson, qui est à peu près de la même taille et qui était encore un cuirassé de l'ancien type, il n'avait que 4. Vous voyez bien qu'il y avait un tel déséquilibre là. Et ce problème-là, comme il y avait une espèce de remise à zéro des compteurs, c'est ça qui a affolé. Enfin, c'était dans un contexte de toute façon. Bon. Même chose si vous voulez, pour la crise de 1929. Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que ce n'est pas le protectionnisme qui a déséquilibré le commerce international. Ça, oui, aussi. Oui. Non. En partie, c'est la déflation. C'est la déflation. Et surtout, le fait que le commerce international, il est financé par les banques. Et l'arrêt du crédit bancaire a provoqué, en réalité, une contraction du crédit international avant que n'apparaissent les mesures protectionnistes. Et aujourd'hui, il y a des études qui montrent que le commerce international se relève quand les États mettent en place des politiques protectionnistes. La différence, c'est que l'Allemagne ne met pas en place une politique protectionniste, elle met en place une politique autarcique. Pourquoi? Parce que l'Allemagne est déjà sur une logique de guerre. Mais, oui, c'est ça la grande différence. Donc là, il faut faire attention à ce genre de choses. Troisième point important, et là, je suis complètement d'accord avec vous, c'est la question des normes. On voit très bien qu'il y a une volonté aujourd'hui d'établir des normes qui s'imposeront aux différents pays. Mais cette question des normes, elle renvoie à la question du droit. Et là, se pose la question de la souveraineté. Et là-dessus, là, j'ai un petit point de désaccord. Je ne pense pas que la souveraineté économique soit liée à la nature de la propriété économique d'une entreprise. Et ça avait été compris par Witte en Russie à la fin des années 1890. Et il fait un mémorandum que vous connaissez peut-être, le fameux mémorandum qu'il écrit pour Nicolas II. Alors, c'est très amusant quand on le lit en russe, parce qu'on se dit, il est vraiment très pédagogique. À l'époque, je pourrais quasiment le donner à mes étudiants. La raison, c'est que Nicolas II est d'une intelligence limitée. Witte le sait parfaitement, donc il faut que je fasse simple. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit finalement, le problème n'est pas que l'entreprise soit russe ou qu'elle soit étrangère. Ce qui est important, c'est où est-ce qu'elle travaille. Si nous faisons venir des entreprises étrangères en Russie, et qu'elles emploient du capital russe, qu'elles emploient de la main-d'œuvre russe, qu'elles emploient des matières premières russes, nous pourrons toujours, si nous avons un conflit avec le pays d'origine, nationaliser ces entreprises. Et nous aurons toujours la base industrielle. Par contre, ce qu'il ne faut pas faire, c'est aller acheter les produits en importation. Parce que là, on sera tout nu en cas de conflit avec le pays. Donc c'est ça la question importante dans la souveraineté. Et c'est très intéressant quand vous regardez le développement, par exemple, de l'industrie automobile en Russie. Bon, la Russie n'a, sur le papier, plus d'industrie automobile. Il n'y a plus de producteurs russes. Vous avez des producteurs essentiellement étrangers, essentiellement européens. Bon, il y a quelques producteurs japonais, mais c'est essentiellement européen. Maintenant, qu'est-ce qu'a demandé le gouvernement russe aux entreprises, en particulier à Renault, puis aux... C'est que le taux d'intégration, autrement dit, le taux de produits russes dans la voiture, monte au-delà de 70% 8 ans après la création de la firme. Et il y a des firmes qui sont pas capables de le faire. Et là, elles vont commencer à avoir des problèmes avec le gouvernement russe qui va leur faire payer des impôts supplémentaires. Par contre, Renault, Nissan, etc., Volkswagen, ils ont réussi à faire cette intégration. Ce qui fait que quand vous parlez au ministre de l'Industrie d'Aftoframinz, qui est le nom de Renault en Russie, il vous dit « mais c'est une entreprise russe ». Bien sûr, on sait très bien que sa propriété n'est pas russe. Mais quand je regarde les processus économiques qui sont à l'œuvre, ce sont des processus qui sont très largement russifiés. Et ça, je crois que c'est un point tout à fait important. Dernier point sur la question de la dette. Vous avez tout à fait raison. Une espèce de psychose sur la question de la dette, que ce soit... alors, en Russie, c'est évident, mais même en Chine, c'est extrêmement important. Et là, c'est même contre-productif. Et la réponse de Poutine, elle a été très nette. Elle a dit, non, c'est impensable. Ben, dans ce cas-là, le rouble ne sera pas une monnaie régionale. Autrement dit, quand vous lui dites, oui, d'accord, vous pouvez transformer le rouble en monnaie régionale de réserve, mais pour ça, il faut augmenter la part de la dette. Il bloque sur la dette et il préfère abandonner son objectif c'est géopolitique. C'est de 98, ça, hein, quand même. Ben, c'est, bien sûr, je sais bien que c'est ça, mais si vous voulez, 25% du PIB, ça reste encore extrêmement raisonnable. Bon, non, mais même ça, vous avez, il y a un blocage de Poutine, et c'était très intéressant de voir, effectivement, ça va complètement dans le sens que vous avez dit, il préfère sacrifier l'objectif géopolitique plutôt que de prendre le risque d'augmenter sa dette. Et ça, j'ai été très impressionné de l'entendre dire ça. Est-ce que tu veux répondre ? Oui. Bah, il y a le problème écologique, d'abord. Alors, problème écologique, j'avais préparé 2-3 slides, parce qu'il faut quand même être conscient de plein d'idées reçues. Donc ça, vous voyez Pékin, vous voyez les écoles à Pékin lorsqu'il y a eu la fermeture de certaines écoles. Et ceci, c'est Varsovie. Ouais. Et ça, c'est la Bulgarie. Et ça, c'est les statistiques de l'OMI, l'Organisation mondiale de la santé sur le nombre de morts par 100 habitants dus à la pollution de l'air. La Bulgarie arrive en numéro 2. La Hongrie arrive un petit peu plus, la Lettonie, donc trois pays de l'Union, la Lituanie, la Roumanie, la Pologne, la Croatie. La Hongrie fait un peu moins bien que la Chine. Donc on meurt plus de la pollution en Hongrie qu'en Chine. Hein. C'est dans l'Union européenne, je signale. Les salaires croates aujourd'hui sont 20% inférieurs aux salaires de Shanghai, de Canton ou de Pékin. Croate, hein. C'est un pays de l'Union européenne, c'est pas le plus pauvre. La Bulgarie, c'est encore plus bas. Donc, les salaires chinois, ils ont quand même progressé de 400% en 15 ans. Donc, je veux dire, ceux de l'Europe de l'Est progressent beaucoup moins vite. Et donc, parler déjà, je dirais, d'une Europe sociale qui se protégerait et qui essayerait d'imposer des standards, ce serait déjà pas mal qu'elle l'impose au sein de l'Europe. Parce que quand on a des salaires bulgares qui font qu'aujourd'hui des ouvriers bulgares travaillent dans le découpage de la viande en Allemagne pour 3 € de l'heure alors que le salaire minimum allemand est de 8 €. Pourquoi est-ce qu'ils le font? Ben parce qu'en fait c'est des travailleurs détachés, donc ils ne sont pas soumis à la réglementation du pays hôte, mais du pays d'origine. Hein, c'est une manière de contourner joyeusement les amendements Bolkestein qui ont soi-disant été faits pour ramener le risque de concurrence sociale. Ben non, il est toujours là, le risque de concurrence sociale. Il y a plein de travailleurs qui travaillent en Allemagne en dessous du salaire minimum, ce ne sont pas des travailleurs allemands, c'est des travailleurs roumains ou bulgares. Alors, je dis ça aussi parce que, je veux dire, en Europe, on a une tendance plutôt à la baisse des salaires pour toute une série de la population européenne, et on ne l'a pas en Chine. Donc je pense que, et ce n'est pas dû à la concurrence essentiellement chinoise, c'est même dû à la concurrence intra-européenne, et au fait que les multinationales à l'intérieur de l'Europe menacent des délocalisations à l'intérieur de l'Europe. Vous savez, les travailleurs de Bosch en France, ils ont travaillé 39 heures à la place de 35, parce que sinon Bosch allait en Pologne. Alors la deuxième chose, je pense qu'essentiellement, la position, se réjouir que la Chine n'ait pas de statut d'économie de marché, ça me paraît assez stupide, de la part de syndicats, parce qu'effectivement, ça montre qu'ils ont une logique économique très particulière pour des syndicats, qui n'ont pas beaucoup de solidarité pour les travailleurs chinois. Moi, si j'étais syndicaliste, je soutiendrais plutôt les luttes des travailleurs chinois pour avoir des syndicats indépendants en Chine qui défendent les travailleurs des conditions de travail des Chinois. Si au contraire, on impose du protectionnisme social et environnemental à la Chine ou à l'Inde, ça créera des réactions nationalistes hostiles à l'Europe qui seront contre-productives. Ça, pour moi, il n'y a absolument aucun... Il n'y a personne en Chine ou en Inde qui trouvera que c'est un progrès pour les travailleurs chinois ou indiens d'avoir... ce genre de normes sociales ou environnementales. Ça, c'est un dream world d'occidental. Par contre, ce que je trouve un petit peu dommage, c'est qu'effectivement, on laisse des firmes occidentales utiliser de la main-d'œuvre chinoise qui ne respectent pas du tout les conventions de leur pays. Mais ça, on pourrait plutôt, au lieu de s'attaquer au protectionnisme des produits chinois, attaquons peut-être, nous, à la manière dont Volkswagen ou Nokia utilisent des travailleurs chinois. Hein, la manière dont Foxconn utilise pour Apple des travailleurs chinois. Parce qu'on pourrait plutôt sanctionner les firmes qui font des bénéfices de l'exploitation des travailleurs chinois que de sanctionner l'importation des produits chinois. Je pense que c'est quand même plus logique. Alors effectivement, au sein de l'Union européenne, il y a des déséquilibres qui sont majeurs. Moi, je pense quand même qu'aujourd'hui, la propriété d'une firme est quand même très importante. Parce que l'exemple de la Russie, d'abord, c'est un cas un peu particulier. C'est un grand pays qui peut avoir une politique souveraine et imposer certaines conditions. La Bulgarie ou le Maroc ne peuvent pas imposer exactement les mêmes parce qu'elles n'ont pas le rapport de force pour le faire et qu'elles sont en concurrence les uns avec les autres. C'est-à-dire qu'une firme automobile dont vous parlez en Russie, elles viennent parce que le marché russe est important. Les firmes qui viennent en Bulgarie ou en Lituanie, elles viennent pour produire et pour exporter vers le marché allemand ou le marché français. Donc je pense que le rapport de force n'est pas tout à fait le même. Et la Russie est aussi une base de réexport. Hein. Oui, mais quand même, majoritairement, c'est pour le marché russe. Je pense quand même que quand on regarde aujourd'hui, la plupart des multinationales évitent dans une possibilité ce risque de russification, par exemple. Comment est-ce qu'elles font? En essayant de garder le maximum de recherche et développement dans leur pays d'origine. Alors évidemment, c'est une bataille, c'est-à-dire par exemple, la Chine va essayer de faire venir de la technologie Airbus pour produire des Airbus. Et selon le rapport de force, elle est réussie. C'est-à-dire que la Chine, pour moi, peut réussir à capter de la technologie comme ça, et la Russie, oui. Je ne pense pas que la Tunisie peut le faire, par exemple. Et d'ailleurs, la Tunisie n'a pas réussi à le faire. Enfin, je veux dire, il y a eu des filiales de textiles français ou italiens qui sont allés en Tunisie. Globalement, quand elles ont dû délocaliser et choisir la Chine comme zone d'implantation, le Bangladesh plutôt que la Tunisie, le textile tunisien s'est retrouvé très très mal après 2005 lorsqu'on a eu la fin de l'accord sur le... Oui, mais c'est ça. C'est le problème de la fin de l'accord en multifibre. Ça voulait dire que finalement la base industrielle, elle bougeait très fort. Moi, je vais montrer ici quand même un chiffre qui vaut la peine d'être noté parce que c'est ce que Krugman appelait les leprechaun economics. Donc, je vais montrer ici la croissance ici que vous avez en Irlande. Mm-hmm. Parce que quand même, c'est fantastique. On a un pays qui avait 27% de croissance en 2015. Ça se discute quasiment jamais. C'est quand même extraordinaire. Un pays qui fait... Je veux dire, même Staline, dans les périodes de grande réquisition, n'a jamais réussi à faire ça. Même les États-Unis sous Roosevelt en 1942, en pleine, n'ont jamais réussi à faire ça. Alors comment est-ce qu'on explique ça? Mais ça, c'est d'abord, vous voyez le PIB. Ce qui est donc produit par habitant, ça, c'est en rouge. Ça monte. Et vous regardez déjà... Le revenu national net par habitant, lui, il ne monte pas. Ah, ça, c'est dommage, parce que ça, c'est ce qui explique vraiment ce que gagnent les Irlandais. C'est-à-dire qu'effectivement, la production augmente, mais les bénéfices sont rapatriés. Ils sont rapatriés, en fait, par des firmes comme Apple dans des paradis fiscaux qui ont des accords avec l'Angleterre, avec l'Irlande, qui offrent ce qu'on appelle le double Irish, c'est-à-dire la possibilité de n'être taxé nulle part si on se remet dans un paradis fiscaux à partir d'une usine qui est son siège en Irlande. Alors vous voyez ici par contre le revenu disponible des ménages. Vous voyez là. C'est plat, hein, ça ne bouge pas. Le revenu disponible des ménages en Irlande, il ne progresse pas. C'est pour ça que cette merveilleuse réussite irlandaise dont la Commission nous parle tout le temps, oui, c'est une réussite pour les multinationales américaines. Comment expliquer ce pourcentage de croissance énorme? Eh bien, il s'agit de firmes américaines qui ont décidé artificiellement de déplacer leurs locaux ou leurs propriétés intellectuelles des États-Unis vers l'Irlande. Ce qui a fait apparaître un taux d'investissement énorme, puisqu'officiellement, c'est de l'investissement. Vous avez juste fait un papier juridique hein, qui est passé, en fait, qui n'a même pas été, en termes, je veux dire, matériels, il n'y a eu aucune différence. Mais ça a créé tout d'un coup 15% de croissance d'un seul coup. Le fait que des compagnies pharmaceutiques ou électroniques fassent passer leurs droits de propriété intellectuelle et leurs trademarks en Irlande. Mais là où ça compte quand même que ce ne soit pas une multinationale irlandaise, c'est qu'il y a une production qui se fait en Irlande, mais la trademark, du jour au lendemain, elle peut repartir aux États-Unis et il y aura un effet réel de dépression de l'économie irlandaise qui sera radical. L'Irlande, ben, parce que si vous retirez la trademark, tout d'un coup, vous aurez une chute du PIB, une chute des recettes fiscales, une chute de l'investissement qui va se traduire très concrètement par une déstabilisation de tout le système financier et des finances publiques irlandaises. C'est-à-dire que l'Irlande ne maîtrise absolument plus son destin du point de vue économique parce qu'elle est totalement dépendante de jeux d'écriture, même pas de jeux d'écriture de multinationales américaines. Donc ça, je pense que c'est... Alors, une dernière petite chose. Je pense qu'effectivement, ce que vous dites est correct sur le credit crunch et le fait qu'il y ait eu des effets de déflation qui soient plus forts pour expliquer, qui arrivent même avant la montée du protectionnisme. Mais néanmoins, quand on regarde justement la politique nazie ou la politique japonaise dans cette année, il s'agit d'une conquête militaire pour créer des blocs commerciaux concurrents aux blocs commerciaux britanniques et aux blocs commerciaux américains. Je dis qu'ils sont dans des logiques d'autarcie, mais ce n'est pas la logique qu'on a aux États-Unis, ce n'est pas la logique de la préférence impériale. Tout à fait, ça je suis d'accord, mais ça veut dire que pour moi c'est quand même la réaction du protectionnisme américain et du protectionnisme anglais qui là-bas a généré un changement de politique radical en Angleterre, en Allemagne et au Japon, hostile au libre-échange et pour une action militaire. Ça, c'est inexact. Par exemple... Mais si vous voulez, très rapidement... Parce qu'il y a quand même le public qui voudrait poser deux questions. On sait que la décision, très rapidement, on sait que la décision d'aller vers la guerre, elle était d'une certaine manière inscrite dans le projet de Hitler et elle n'est pas liée à la question du protectionnisme. Même chose au Japon. Et ça, il faut faire très attention... Quand il y a la politique des assassinats d'une partie du gouvernement japonais par l'armée, et même pas par l'ensemble de l'armée, par l'armée de Mandchourie, c'est l'armée du Kwantung qui envoie des gens pour assassiner. Là aussi, c'est parce qu'elle veut imposer un projet d'un certain type, et ce n'est pas en réalité en réaction au protectionnisme. On utilise après le fait que certains pays aient fait du protectionnisme par rapport aux Japonais, mais vous savez quel était le pire protectionnisme pour les Japonais? C'est pas le protectionnisme américain, le pire protectionnisme, c'est quand même que les marchés asiatiques étaient des colonies européennes qui étaient quand même fermées. C'était pas ça. C'était l'interdiction par les États-Unis de l'immigration japonaise. Moi, je suis un petit peu... moi, je suis très critique sur la campagne anti-TTIP qu'il y a eu. J'ai trouvé que c'était assez peu informé. Je ne suis pas un fan du TTIP. D'ailleurs, je pense que le TTIP n'aura pas beaucoup d'impact. 0,5% du PIB avec un modèle d'équilibre général, ça ne prouve absolument rien, puisque la marge d'erreur, c'est plus de 0,5% si on connaît le modèle mathématique. Bon, en plus, effectivement, il y a des professeurs de Taft qui ont dit que l'impact pourrait être négatif, donc... Ces chiffres-là ne veulent pas dire grand-chose. Il y a tellement d'hypothèses. Et évidemment, c'est contenu que tous les dossiers seraient négociés, ce qui ne va jamais arriver, parce que dans une négociation, on n'arrive pas à tous les dossiers. Ce qui me frappe un petit peu, c'est bon. D'abord, pour le Japon, il n'y a pas de mécanisme ISDS, donc des mécanismes d'arbitrage, parce que les Japonais n'en voulaient pas. C'est surtout eux qui ne voulaient pas de cette rupture de la souveraineté nationale. Ils ne voulaient pas la version... mise à jour. Il voulait l'ancienne version qui était rajoutée. Non, il voulait pas. Il voulait la ISDS. Moi, j'ai discuté avec plusieurs ambassadeurs et sous-ministre du Japon de la question, ils ne voulaient pas. Donc, ils ne veulent pas en général d'ISDS. Si vous voulez, pas de problème, je vous fais rencontrer tous des collègues japonais. Généralement, c'est quand même pas quelque chose qui est considéré acceptable au Japon. D'ailleurs, il faut savoir quand même que les ISDS, il y en a plein au sein de l'Union européenne. Donc l'Union européenne est la plus utilisée, c'est celle qui utilise le plus d'ISDS, plus que les Américains. C'est quoi les ISDS ? C'est les mécanismes d'arbitrage. C'est les Investor State Dispute Settlement. Ce sont des mécanismes d'arbitrage dans lesquels il y a généralement trois arbitres. Un qui est d'une partie, donc par exemple dans le TTIP c'était un Américain, un de l'Union européenne et un arbitre qui est censé être... C'est le problème dans le TTIP en fait. Voilà, puisqu'en fait effectivement... C'est une perte de souveraineté, puisque bien souvent, ces mécanismes d'arbitrage ne passent pas par le Parlement, qu'ils peuvent décider de choses, et qu'il y a eu des cas assez flagrants de violations de droits de population. Je veux dire, quand vous avez la firme Vivendi qui distribuait l'eau en Argentine, et que tout d'un coup, en pleine crise, le gouvernement a décidé de baisser le prix de l'eau, et que Vivendi s'est retrouvé en train d'utiliser un de ces mécanismes pour faire attaquer le gouvernement argentin qui essayait simplement d'avoir une mesure correctrice en temps de crise pour que la population puisse payer ses factures d'eau un peu plus basses. Alors, dans le mécanisme arbitrage de Vivendi, l'arbitre qui était neutre, en fait, dans les trois arbitres, l'arbitre qui était neutre appartenait au conseil d'administration d'une des banques françaises qui était actionnaire de Vivendi. Donc voilà, bon, c'est un conflit d'intérêts assez massif. On sait que la plupart des juges sont également avocats à d'autres moments dans leur carrière. Et on sait qu'en gros, il y a une douzaine de firmes légales, principalement anglo-saxonnes, qui contrôlent 80% des affaires. D'ailleurs, bon voilà, si vous regardez le Corporate Observatory Europe, hein, une ONG, donc il y avait une représentante là, qui était là il y a quelques minutes, ils ont fait un très bon rapport sur les ISDS là-dessus qui montre ses faiblesses. Mais les ISDS se font très fort entre l'Union européenne. Donc, par exemple, la Suède attaquait, la firme Vattenfall suédoise attaque pour 4 milliards le gouvernement allemand pour avoir fermé deux centrales nucléaires allemandes, enfin suédoises en Allemagne. Et l'Allemagne elle-même a attaqué plusieurs pays de l'Europe de l'Est, la République tchèque, la Pologne, à plusieurs reprises avec des ISDS. Hein, donc. Et la volonté essentiellement de mettre des ISDS dans le Canada, c'est pour pouvoir l'imposer à des pays du tiers-monde par la suite. Pour protéger les multinationales européennes. C'est d'ailleurs comme ça que off the record, ça a été dit par plusieurs fonctionnaires européens qui négociaient. Maintenant, y a quand même quelque chose qu'il faut savoir. C'est-à-dire que beaucoup de gens... Effectivement, les mécanismes ISDS, je pense que c'était difficilement défendable et la manière dont ils fonctionnent est totalement peu transparente. Il y a plein de conflits, y compris dans la nouvelle mouture de l'Union européenne. Comme il n'y a pas de période spécifique qui sont définies sur la période où les gens peuvent arrêter de travailler pour l'arbitrage public européen et passer dans le privé, les revolving doors qu'on connaît de manière récurrente à la Commission européenne, Barroso qui va chez Goldman Sachs, Karel van Miert, hein, commissaire européen socialiste, membre de 15 boards, donc 15 conseils d'administration de multinationales après avoir été commissaire à la concurrence. Bon, on sait, et ça, pour le moment, tant qu'on n'aura pas un système public, entièrement public, ce système-là, mais même je ne vois pas un système d'arbitrage, pourquoi c'est vraiment nécessaire que les investisseurs prennent le risque. Ça fait partie de leur... Voilà, de la définition de la prise de risque pour avoir du profit. À un moment donné, ils peuvent analyser les risques. Et même s'ils se font nationaliser ou expropriés, ça arrive dans l'histoire, on en survit. Hein. C'est pas la nationalisation ou le non-paiement de l'emprunt russe qui a foutu le Crédit Lyonnais dedans particulièrement. Donc, je pense que... Mais il faut aussi, à un moment donné, regarder le problème. Il y a toute une série de gens qui ont eu le discours suivant de dire « Si on refuse le TTIP et le CETA, nous refusons le néolibéralisme et la concurrence sociale vers le bas. » Alors là, ça fait quand même un petit peu le fait qu'on ne regarde pas que quoi, les firmes allemandes ou les firmes françaises multinationales sont plus sociales, sont plus responsables que les firmes américaines. Non, mais c'est un débat qui s'est fait. C'est-à-dire que globalement, votre concurrence sociale et environnementale, elles existent au sein de l'Union européenne. Des firmes qui veulent polluer vont en Europe de l'Est, parce que les gouvernements y sont plus corrompus, plus faibles, plus pauvres, et que les normes environnementales n'y sont pas respectées. Ce n'est pas les firmes américaines qui ont fait le scandale du Dieselgate. Si on a appris qu'il y avait du Dieselgate chez Volkswagen, c'est grâce d'ailleurs à des professeurs d'université américains qui ont mis un mécanisme pour mesurer le taux de pollution des voitures de Volkswagen, parce qu'en Europe, qui vérifiait la pollution de Volkswagen? Les producteurs eux-mêmes qui engageaient des firmes pour le faire. C'est hallucinant. La production de microparticules faites par les producteurs de diesel d'automobiles européennes sont vérifiées par les producteurs d'automobiles eux-mêmes. Il n'y a pas de conflit d'intérêts, tout va bien. Bon. Et comment est-ce qu'on a appris le scandale de Volkswagen? Grâce, heureusement, au protectionnisme américain qui a trouvé un prétexte pour éliminer Volkswagen en partie du marché américain. Bon. Je trouve ça fantastique parce que, je veux dire... Tout le monde est centré sur Monsanto ou Pioneer et les OGM, mais des milliers de personnes vont mourir en Europe à cause des microparticules créées par les producteurs automobiles européens qui ne sont pas plus régulés que les Américains. Et à un moment donné, j'aimerais un petit peu qu'on regarde ce que les banques font ou ce que les compagnies européennes font, leurs pratiques de lobbying au sein de l'Europe, parce que pour moi, c'est tout aussi dangereux que le capitalisme américain, le TTIP. Et... Là, pour moi, il y a quand même un truc un petit peu dangereux. J'ai vu plein de gens défendre le TTIP au nom de quelque part une Europe qui serait plus sociale ou plus environnementale. Bien, je suis désolé, quand on regarde la manière dont les firmes européennes, grandes multinationales, se comportent en Europe, il n'y a pas d'évidence pour montrer ça. Vous voyez le glyphosate? Le glyphosate qui était censé être jugé dangereux. Vous savez maintenant que la Commission européenne ne l'a plus jugé comme aussi dangereux, en disant que c'était incertain. C'est dû notamment à ce que des experts d'un État membre ont amené un rapport qui était opposé, qui disait, ben voilà, il n'y a pas de certitude scientifique. Ce pays membre, c'était l'Allemagne. On n'a pas pu avoir la composition du panel d'experts, donc le gouvernement allemand ne la donne pas, la Commission ne la donne pas. Je rappelle simplement que le glyphosate était un produit de Monsanto, que Monsanto a été racheté par Bayer, la firme allemande. Donc vous voyez, ça c'est anti-TTIP. Donc n'oublions quand même pas de regarder chez nous ce qui se passe. Ça va mal aujourd'hui, et donc allons vers le TTIP où ce sera pire. Par exemple, la législation européenne sur les perturbateurs endocriniens a été affaiblie à cause de la négociation en cours du TTIP. Donc laissons faire ça. Je pense que la plupart des négociations environnementales, de plein de normes environnementales européennes, sont très peu respectées parce que le pouvoir des lobbying des firmes multinationales, quelles soient leurs origines, font qu'elles ne soient pas respectées. C'est marginal par rapport au phénomène général qui est celui que, depuis un siècle, le poids des firmes augmente beaucoup plus vite que les États. Ça fait 4 années qu'on a 5 trilliards de fusion entre les différentes entreprises. 5 années d'affilée. C'est des niveaux de concentration très rapides. Vous avez de moins en moins de banques. Ben oui, vous avez moins de banques. Vous avez moins de compagnies automobiles. Mais la taille des États, elle ne change pas. Les ressources des États, elles ne changent pas. Par contre, la capacité de firmes, de grandes firmes, elles sont plus grandes. Vous savez que le Danemark a fait des postes d'ambassadeurs pour Google et Microsoft maintenant, en les traitant comme des pays, avec statut diplomatique. Ça en dit quelque chose, si vous voulez, sur simplement le poids. Et je pense que ce problème est fondamental. Est-ce qu'on tolère le fait qu'un système a des multinationales de cette taille-là, que le capitalisme se concentre? Pour moi, c'est vraiment une question. Est-ce qu'on est pour une économie capitaliste où on laisse se concentrer les richesses et les pouvoirs, une tendance depuis un siècle qui, pour moi, est beaucoup plus importante que le TTIP. Parce que des grandes firmes comme Volkswagen, vous voulez regarder un petit peu Sigmar Gabriel, il a travaillé pour Volkswagen. Schröder, il vient du Länder de Volkswagen. Moi, je peux vous citer le nombre de gens qui ont des revolving doors. Et leur pouvoir est de plus en plus important. Ça, c'est un vrai problème. Beaucoup plus grand et indépendant du TTIP, parce que même si vous avez les meilleures protections face aux États-Unis, vous l'aurez par rapport aux capitalistes européens eux-mêmes. Merci. Monsieur Sapir. Oui. Alors, il y a un point sur lequel je suis complètement d'accord, c'est que la lutte contre le dumping social et le dumping écologique, elle commence en Europe. Elle ne commence pas entre l'Europe et les autres pays, elle commence au sein de l'Europe. Et c'est pour ça d'ailleurs que moi j'avais proposé l'introduction de ces fameux montants compensatoires monétaires à l'intérieur de l'Europe. Parce que je pense que là, il y a un vrai problème. Bon. Je pense aussi que ce que vous dites sur les travailleurs sans-papiers, c'est quelque chose qui pourrait être étendu aux travailleurs chinois. Je ne suis pas du tout d'accord quand vous dites que ça provoquerait une réaction nationaliste. Parce que là, on va pouvoir dire, bon, vous avez un certain niveau de productivité. Bah, dans les branches, bon, on ne va pas prendre la productivité générale de l'économie, mais on prend la productivité dans les branches. Cette productivité, elle doit vous donner ce type de salaire. Bon, si vous êtes à ce type de salaire, il n'y a pas de problème. Si vous êtes au-dessus, non plus, il n'y a pas de problème. Le problème ne viendrait que si vous étiez en dessous. Autrement dit, si vous aviez en réalité un phénomène d'appropriation de la rente, de la productivité par l'entreprise au détriment des travailleurs. Car c'est ça ce qui est en fait le problème essentiel. Donc, je crois qu'il faut mener un combat qui est double. Contre les choses qui se passent au sein de l'Union européenne et contre, évidemment, enfin pour essayer d'imposer des restrictions à des pays qui sont hors Union européenne. Mais ça pose un vrai problème. Est-ce qu'on peut le faire dans le cadre de l'Union européenne? Moi, je ne le pense plus. J'ai pensé pendant très longtemps qu'on pouvait peut-être aboutir à cela parce que certains pays de l'Union européenne pouvaient être, d'une certaine manière, plus disposé à le faire. Aujourd'hui, je pense que très probablement, il va falloir détruire l'Union européenne. Et je le dis comme je le pense, et que je pense qu'aujourd'hui, il va falloir provoquer une crise majeure au sein de l'Union européenne pour que les différents États récupèrent des instruments de souveraineté. Dernier point, la question de la lutte entre le pouvoir de l'argent et le pouvoir de l'État est vieille comme le monde. Où elle existe en particulier en Europe de force, ça s'améliore depuis bon. L'État. Mais Pouchkine, grand poète russe, il a fait un poème là-dessus. Et la fin du poème dit « J'achèterai tout, dit l'or, je prendrai tout dans le sabre. » Ce qui veut dire que ce qui caractérise un État, c'est le monopole de la violence. Et à la fin des fins, ce monopole de la violence s'impose toujours face aux intérêts économiques. Et oui. Alors après, se pose le problème, mais c'est toujours dans des pays du tiers-monde que ça se passe, où on a des États qui ne sont pas construits, ou qui ne sont que partiellement construits, et par rapport à ces États, des sociétés multinationales peuvent financer des milices, peuvent susciter des mouvements séparatistes. Oui, c'est vrai. Mais globalement, il faut savoir, quand on a un État qui est bien construit, cet État a entre les mains des moyens d'action extrêmement importants. Après, la question se pose évidemment du personnel politique. Est-ce que ce personnel politique est disposé ou pas disposé à l'utiliser ? Je suis d'accord. Mais ça, c'est bien un problème essentiel. Et c'est pour ça que je dis que sur la question des normes, sur la question des règles de droit, il est extrêmement important d'en revenir au fondement même du droit et d'en revenir à la notion de souveraineté. Et c'est, d'une certaine manière, la seule approche qui soit opérationnelle par rapport aux problèmes actuels. Car toute approche qui ne partirait pas de la souveraineté, à un moment donné, se heurte à un véritable problème d'opérationnalité. Et moi, le problème, enfin, il y a deux problèmes là-dessus. D'abord, moi, je pense globalement que l'appareil d'État américain, par exemple, sa politique étrangère est largement déterminée par les multinationales américaines. L'invasion de l'Irak, c'est une dizaine de groupes qui l'ont poussé à l'administration Bush à le faire, y compris Dick Cheney, qui était lui-même l'ancien président d'Halliburton, Condoleezza Rice, qui était une exécutive de Chevron. Donc si vous regardez un petit peu les liens, et quand vous regardez la composition du gouvernement Trump, c'est le big business qui est directement au gouvernement. Même Macron, quelque part, vient de la finance et on voit très fort à quel point il essaye de développer un centre financier de Paris pour remplacer Londres avec le Brexit. Et je vois à quel point, finalement, Schröder, on voit aussi à quel point le business, finalement, un ancien chancelier, il y a des phénomènes de revolving door et je pense que globalement, les multinationales sont très efficaces pour influencer les politiques des États et même les contrôler. C'est d'ailleurs pour ça qu'en pratique, les États n'arrivent pas à résoudre les crises européennes en partie aujourd'hui. C'est parce que globalement, les banques, par exemple, font payer à la Grèce des choses qui sont même sans sens économique pour la Grèce, mais pour que les créanciers soient payés, c'est-à-dire les grandes banques allemandes et les grandes banques françaises et belges, etc. Hein? Donc, je pense que je ne serais pas si optimiste. Je pense qu'entre le sable de l'État est déjà partiellement acheté par l'or dans nos économies capitalistes avancées. La deuxième, c'est que les techniques de production aujourd'hui et les marchés font qu'une dissolution de l'Union européenne, qu'est-ce que ça donnerait en pratique ? Je pense que c'est gérable, hein, qu'on pourrait quand même faire un processus de production, puisqu'on le fait à travers plusieurs pays de l'Asie de l'Est sans qu'il y ait de marché commun de l'Asie de l'Est. Mitsubishi opère à travers plusieurs pays. Je pense simplement que, fondamentalement, ça va permettre aux pays les plus forts, et notamment à l'Allemagne, d'imposer à des petits pays des rapports qui seront encore plus semblables à celui des États-Unis par rapport au Guatemala. Hein? Donc pour moi, plein de pays d'Europe vont se retrouver des petites républiques bananières encore plus qu'ils le sont maintenant, parce que pour moi, ils le sont déjà en partie, c'est-à-dire la périphérie de l'Europe est déjà en partie contrôlée par les grandes firmes de l'Europe du Nord. C'est le cas de la plupart du Portugal, c'est le cas de la Grèce, c'est le cas de toute l'Europe de l'Est quasiment. Et si elles n'ont même pas le cadre avec la liberté, par exemple, de circulation des travailleurs, je pense que la situation va encore être plus difficile pour la population. Je pense que les Mexicains seraient contents d'avoir la liberté de circulation de travailleurs d'aller aux États-Unis. Et qu'aujourd'hui, à cause de ça, ils sont des illégaux et qu'il y a 5 millions d'illégaux. Et que si on dissolue l'Union européenne, il y aura quand même des millions de Roumains et de Polonais qui viendront travailler en Europe de l'Est, sauf qu'ils n'auront plus le droit de le faire. Donc ils seront plus exploités et dans des conditions encore pires. Mais je suis d'accord que l'Union européenne, dans la structure qu'elle a aujourd'hui, est une institution qui est assez faible et finalement contrôlée par deux ou trois États et surtout par des lobbies multinationales, y compris des multinationales américaines, et qu'elle n'a rien de démocratique, ça, effectivement. Je pense par contre que sa dissolution ne va pas être un progrès fondamental. Je pense que le problème fondamental, c'est la manière dont on évolue vers un capitalisme de monopole où des multinationales sont de plus en plus puissantes et où les États sont incapables de résister à ça. Et quelque part, la manière dont la pollution, la spéculation internationale et la manière dont l'exploitation de travailleurs se fait montre à quel point les multinationales peuvent jouer de la faiblesse des États aujourd'hui. Mais elle ne joue de la faiblesse des États que parce qu'il y a déjà une connivence à l'intérieur, et on voit très bien. Moi, je vais prendre un exemple très simple, c'est l'exemple de la Russie. Ah oui, c'est une exception. Non, mais ce n'est pas une exception, et on retrouve ce type d'exemple dans toute une série de pays d'Asie. La Russie était, en fait, dans un état de colonisation par des entreprises internationales, des entreprises européennes, des entreprises américaines, en 96-97. Oui. Bien. Nous avons la crise de 1998. Et cette crise a provoqué un changement du personnel politique, si vous voulez. Berezovski a dû partir. Oui, et puis toute une série de gens, et Chubais, tous ces gens-là ont été obligés de partir. Alors certains sont partis très vite, dans des conditions où effectivement, ils avaient tout à fait compris qu'il s'agissait pour eux de sauver leur peau. Bon. Et on voit que ce qui est né à ce moment-là, c'est évidemment une structure d'État qui est allée en se renforçant. Alors, bien sûr, on peut dire qu'il y a toute une série de problèmes qui sont posés en termes de droits de l'homme, c'est tout à fait exact. Mais aujourd'hui, en tous les cas, le gouvernement russe est souverain et capable de mettre en avant une politique économique, ce qu'il n'était pas capable de faire de 1992 à 1998. Voilà, c'est tout. Et on voit d'ailleurs qu'il y a le même phénomène en Corée, il y a le même phénomène au Vietnam. Bon, la Chine est un cas particulier. On voit que ça va être l'un des grands enjeux de l'élection présidentielle de 2019 en Indonésie. Grosso modo, est-ce que l'Indonésie continue sur sa trajectoire actuelle ou est-ce qu'elle se dote d'un pouvoir beaucoup plus nationaliste? C'est aujourd'hui l'un des grands enjeux de la politique. Ce qui pose évidemment un problème, mais là encore, j'aurais tendance à dire, ce problème on le connaît depuis 2000 ans. C'est le problème du dictateur. Le dictateur, dans la République romaine, c'est un magistrat. C'est donc, en réalité, quelqu'un qui est parfaitement inclus dans l'ensemble des institutions républicaines de Rome. Le dictateur, normalement, il est désigné par le Sénat pour une période de 6 mois ou d'un an, et après, il remet ses pouvoirs entre les mains du Sénat. Bien sûr, il y a des dictateurs qui ont outrepassé leur pouvoir. Le cas de Silla, qui est tout à fait connu. Mais il y a d'autres dictateurs qui ont respecté les règles. Et on voit qu'à un moment donné, on est dans une situation politique où seule la nomination d'un magistrat, et de ce point de vue-là, il est important de bien voir la distinction entre le dictateur et le tyran. Le tyran, lui, n'a pas de légitimité. Le dictateur tire sa légitimité de la délégation de pouvoir qui, d'une certaine manière, lui confie le pouvoir pour une période donnée et pour une tâche déterminée. Le système du Sénat, c'est un système de patriciens où seuls les plus riches et les plus dominants donnent le pouvoir de délégation à effectivement un dictateur. Il était équilibré par les comices tributes. Oui, mais alors, je vous propose qu'on continue ce débat sur la. C'était un système qui a permis l'expropriation de, sur le système de centaines de milliers de familles de paysans qui se sont transformées ensuite en légionnaires, qui ont été envoyés loin de leur famille pour vivre ailleurs et qui finalement sont devenus des colons dans des terres conquises à l'étranger, comme en Gaule ou en Espagne. Et là, pour moi, c'est aussi une question de voir. Je ne pense pas qu'il faut voir seulement sur ça comme un jeu de politique d'État qui essaie de développer les choses de top-down. Pour moi, le problème essentiellement, Poutine a recouvert une partie de la souveraineté nationale. Et c'est clair que par rapport à ce qu'il y avait sous Yeltsin, c'est un plus économique. Il faut articuler un protectionnisme à l'intérieur de l'Union européenne et un protectionnisme à l'extérieur. C'est très clair. Parce que les problèmes de concurrence et de concurrence déloyale, ils se posent autant à l'intérieur de l'Union européenne qu'à l'extérieur de l'Union européenne. Bon. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faudrait, si on avait un espoir d'une évolution démocratique de l'Union européenne, il aurait fallu se battre, et il faudrait se battre pour, un système de montant compensatoire à l'intérieur de l'Union européenne, sur le modèle de ce qui existait au niveau de l'agriculture jusqu'aux années, fin des années 80, début des années 90, et un système inspiré de ces montants compensatoires, mais qu'on pourrait appeler là plus ouvertement des droits sociaux et écologiques, mais dont le fondement devrait être toujours la question du coût salarial unitaire. Bon. Le problème, et là-dessus je ne suis pas en désaccord avec ce qu'a dit M. Defraigne, c'est qu'on voit très bien qu'aujourd'hui, ceci est d'une certaine manière bloqué par des intérêts particuliers qui existent au sein de l'Union européenne. C'est pour ça que je pense que il faudra que certains pays renversent la table. Est-ce que ça aboutira à une dissolution déjurée ou à une recomposition de facto de l'Union européenne? Ça, on ne peut pas le dire, si vous voulez, parce que on ne voit pas dans quel cadre politique ça pourrait se passer, mais ça sera absolument nécessaire d'en passer par ce type d'affrontement extrêmement important au sein même des pays de l'Union européenne. Merci Jean-Christophe. Pour conclure. Oui, moi, je pense fondamentalement que si la situation est là, ce n'est pas par hasard. C'est-à-dire si on a fait une Europe où il y a tant de divergences fiscales et sociales, c'est parce que les multinationales européennes et étrangères, américaines ou japonaises ou sud-coréennes, y voyaient leurs intérêts. Faire jouer la concurrence fiscale, la concurrence sociale, la concurrence environnementale entre les États. Et c'est d'ailleurs pour ça que je ne crois pas que le protectionnisme social ne sera jamais mis réellement dans la politique commerciale de l'Union européenne, parce que les lobbies des firmes ne seront pas d'accord. Parce que les firmes allemandes comme Volkswagen et Siemens veulent vendre en Chine, et elles veulent pouvoir utiliser l'exploitation des travailleurs chinois au plus bas niveau et éventuellement polluer au Bangladesh si elles veulent le faire. Donc, pour moi, la question fondamentale, c'est plutôt de savoir si on veut rester dans le cadre d'une économie capitaliste ou pas. Parce qu'effectivement, pour moi, dans le cadre d'une économie capitaliste, le protectionnisme est extrêmement risqué et le libre-échangisme n'apporte pas spécialement de développement. Ça, je suis assez d'accord avec le professeur Sapir. Je pense effectivement que l'Europe ne représente pas l'intérêt général des citoyens aujourd'hui, mais plutôt celle des grandes firmes, et qu'on n'arrivera pas dans ce cadre-là à... Mais je ne suis pas sûr que le démantèlement de ces institutions avec les multinationales qui garderaient leur même pouvoir changerait fondamentalement la donne. Donc pour moi, la vraie donnée aujourd'hui, c'est de dire, voilà, est-ce qu'on tolère, oui ou non, que des multinationales aient ce poids-là économique, politique, auprès de nos États? Ou est-ce qu'on dit qu'à un moment donné, ça doit repasser sous le contrôle des salariés et des travailleurs? Mais comment est-ce que le pouvoir multinational peut s'imposer au niveau des États? Par la connivence politique de leurs dirigeants, essentiellement, qui sont incorporés dans le système des multinationales et qui terminent au conseil d'administration. Parce qu'ils sont en place? Parce qu'ils ont TF1, parce qu'ils ont la presse. Vous savez, Lagardère et Dassault contrôlent 120 titres de presse à eux seuls en France. Hein. Voilà. Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'on discute beaucoup de l'effet du libre-échange de marchandises, mais le libre-échange du capital qu'on a libéré dans les années 80, 90, ça c'est peut-être beaucoup plus important encore. Je propose qu'on termine là-dessus. Donc, on voit d'abord que ce n'est pas un débat facile. Qu'il est. Oui, ça, c'est pour vous faire venir. Hein. On sait bien que vous repartirez avec des questions. C'est l'objectif. je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Je remercie les deux invités d'avoir permis à ce débat d'avoir lieu, d'avoir précisé en tout cas les termes du débat. Et je pense que c'est déjà quelque chose de très important. Et ben voilà, je vous invite à revenir dans 2 mois, ou je ne sais pas encore quel est le sujet exact. Mais voilà, je pense que ce sera toujours aussi intéressant. Merci. Merci beaucoup. Merci. Pour continuer le débat, les 23-24 mars prochains, on fera un grand sommet sur CETA et Internet. Ah, mais voilà.